Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. Comment ça va tout le monde? Écoutez, moi je suis avec des gens superbes et très motivés ce soir. Bien évidemment, on a une grosse émission qui nous attend et je suis en compagnie de mon collègue de toujours, monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Dans le jus, monsieur Michaud, dans le jus. Mais ça va bien quand même. Oui, très bien. T'en ondes. Très bien. D'ailleurs, je vais juste dire tout de suite, s'il y a des erreurs techniques qui se fait ce soir, t'es comme exemple, moi qui quitte mon poste pendant quelques minutes et que Mickaël patine. Ben non, je suis avec Eric, ça va bien se passer. C'est pas de ma faute, je m'excuse. Non, on va le backer. Et là, la voix qu'on entend justement, c'est monsieur Eric Lajeunesse. Hey! Comment ça va, Eric? Ça va bien. Et là, tu nous reviens après une longue absence, en fait, c'est parce qu'on a manqué notre chronique au mois de janvier. Exact. Mais là, tu es là pour Ma faute. Ouais, mais tu es là pour la chronique bière et jeux, commandité par nos amis du dépanneur tout près à Lévis. Et voilà. Et là, tu nous amènes, cette semaine, on parlera pas de bière. Non. On va parler de cidre. Ouais. Et tu nous amènes deux bons cidres. Ouais. De la cidrerie McCown, un McCown miel. OK. Et un Michel Jaudoin rosé. Bon, ben, on va goûter à ça un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Eric, d'être là. Et comme à notre habitude, on vous rappelle que Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pourrez aller écouter toutes nos émissions, podcasts, entrevues et lire quelques nouvelles. On vous invite aussi à vous rendre sur Facebook, aller aimer notre page parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et grâce à ça, ben, vous pourrez avoir des nouvelles rapides sur l'émission, nous poser des questions via les messages privés sur la page et également... avoir des nouvelles rapides, voilà. Donc, c'est ça. Et principalement pour ça, et évidemment, la partager cette page auprès de tous vos amis geeks qui veulent avoir une super émission différente avec plein de diversité et de l'excellente musique qu'on va l'entendre un peu plus tard. Mais là, Andrew, j'ai oublié de te demander tantôt, là, t'es pas juste là pour tes compétences techniques. Tu vas nous parler de jeux aussi. Et de quels jeux tu vas nous parler cette semaine? Ben, en fait, je vais parler de deux jeux. On va parler de Banish, qui est un jeu indépendant. On sait tous que j'aime... Sur PC? Sur PC, mesdames et messieurs. Okay. Et on sait tous que je suis un grand fan de jeux indépendants. Et là, Dieu sait que j'en ai pogné un sacrement bon qui joue vraiment dans le style que j'aime. Et aussi, j'ai eu l'honneur de tester Tomb Raider Definitive Edition sur la PlayStation 4. Excellent, on va vous parler de ça un peu plus tard dans l'émission. On va vous parler aussi de nouvelles ludiques, comme à notre habitude. Mais avant de débuter cette émission, bien évidemment, nous allons écouter de la musique. Et je commence avec un groupe que mon ami Frédéric Marquis m'a fait découvrir, notre maître de jeu à Pathfinder, à moi et Andrew, un soir de fondu et de un peu trop de bière. Il m'a fait découvrir un excellent groupe, un groupe australien qui s'appelle 12 Foot Ninja. C'est pas la première fois qu'on en joue à l'émission. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas mis. Et là, on va mettre la toune qui commence l'album. Et vous allez voir, ça commence raide. Et n'ayez pas peur de la diversité. Et comment je pourrais dire ça... Du style assez pas très uniforme dans la toune, mais c'est une excellente chanson. On va l'entendre, Coming For You de 12 Foot Ninja. Et tout ça à puissance maximale sur les ondes de CGMD FM 96.9 à Lévis. Be ready, I'm coming for you! It's within instead of without. So much so, we have forgotten all about you. If we were to be sure, we had to save the doubt. But now you know, there is a plan in place. You should feel so the villain is all of you. Peace within, emanates without. So much so, they can never force a coercion upon you. If you're ever unsure, beyond reasonable doubt. Oh, you know, we will be here to embrace you as we emancipate you. Ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximal après Coming For You de 12 Foot Ninja. Là, je vous l'avais dit que c'était bon cette tune-là. Hein? Et je vous suggère d'aller vous chercher l'album au complet qui est excellent. Sans farce, je les réécoute souvent ces temps-ci là, et c'est un peu c'est ça, il y a peut-être un peu de reggae. Un petit peu de rythme latino et évidemment quelque chose de heavy. D'ailleurs, on vous prépare une bonne toune de pause tantôt entre les deux heures. Là, l'autre fois, je trouvais qu'il y a certains groupes de métal classiques que je mettais pas assez souvent à l'émission. Là, on vous garde une belle surprise pour la pause de tantôt. Et là, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un endroit où je suis allé, un événement où je suis allé lundi pour l'émission. En fait, je suis allé au Fanamanga. Bon, tout le monde connaît le Fanamanga dans la région, le magasin. Attends un peu, Eric, tu connais-tu Fanamanga? Tout à fait. Bon, parfait. Oui. Mais le Fanamanga, pour ceux, les quelques personnes qui ne connaissent pas, c'est le magasin dans la région de Québec si vous êtes intéressé par la culture japonaise. Autant au niveau culinaire, au niveau du manga, des vêtements, dans le mode de vie aussi, c'est la place où aller. Si vous êtes amateur de bubble tea aussi, c'est pas mal la meilleure place en ville pour aller vous chercher un bubble tea. Et là, nouveauté chez Fanamanga, en fait, pas une fusion, mais en fait l'arrivée d'une nouvelle boutique chez Fanamanga, parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a notre amie Isabelle Dorelet, de Putré Fashion, qui fait des vêtements style, comment je pourrais dire ça, tu sais, victorien un peu, qui peut toucher des fois steampunk, gothique, voyez un peu le genre. qui fait ce genre de vêtements-là. Ça fait longtemps qu'Isabelle voulait avoir pignon sur rue, voulait avoir une boutique, puis elle s'était inscrite à un programme, on pourrait appeler ça, je pense, jeune volontaire, pour partir sa business, finalement. Et là, ça lui prenait des parrains-marraines là, en business pour partir tout ça. Puis, elle est allée voir les filles du Fanamanga parce qu'elle vendait déjà des vêtements dans la section vêtements du Fanamanga. Ça fait que là, ils se sont parlé. Le projet s'est construit peu à peu. Puis, finalement, ils se sont dit, ben Isabelle, pourquoi qu'on pourrait pas faire ça ici? On pourrait remplacer la section vêtements qu'on avait par ton côté boutique. Comme ça, on va pouvoir s'aider côté business, puis on va avoir un plus-value là au niveau du vêtement, puis c'est ce qui s'est passé. Écoutez, moi, j'ai été... au début, quand j'avais vu la nouvelle, j'étais content, en fait. Je trouvais que c'était une christie de bonne idée, sauf que j'avais peur pour l'espace, et j'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé lundi. C'est très bien monté. Ils ont fermé une semaine là, pour tout réorganiser la boutique. Ouais, ben je vois des photos, justement... Sur Facebook. Mais c'est sans farce, j'ai été agréablement surpris de voir tout ça. C'est bien fait, c'est beau. C'est sûr que du côté Fanamanga, on perd un peu d'espace, évidemment, parce qu'on laisse de la place à Isabelle et ses vêtements. Mais écoutez, c'est très bien. C'est tellement bien fait l'aménagement que. On le remarque pas, ben on le remarque beaucoup à cause de la décoration puis vraiment du coin vêtements qui a pris un peu plus d'importance, mais on perd pas de l'intérêt de chez Fanamanga. C'est ça qui est le fun, c'est tellement bien montré à cause de ça là. Wow, il y a des verres avec des moustaches. Ouais, style vaisselle, style rockabilly, c'est ce qu'on peut retrouver entre autres chez la nouvelle boutique qui s'appelle Malice aux merveilles. Donc le côté vêtements s'appelle, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment deux administrations à part, là, je tiens à le dire, ça fait qu'il va avoir Isabelle ou un ou une collaboratrice qui va tenir la caisse du côté de Malice aux merveilles, et il va la gang de Fanamanga qui va toujours être là. Il y a un collier avec un Cthulhu aussi. Ouais, Cthulhu qu'on dit. Ouais, c'est correct, c'est pareil. Et là, voilà, vous avez les vêtements. On parle de créateurs québécois, bien évidemment, une grande majorité. Quelques accessoires comme leur bas nylon, des trucs du genre où il n'y avait pas vraiment d'équivalent québécois, où on est allé évidemment avec l'industriel, mais sinon, c'est des créateurs et comme Isabelle me disait, possibilité de sur-mesure, autant de son côté que vers les créateurs avec qui elle travaille, parce qu'ils ont chacun leur spécialité. Donc, pour les messieurs, il y a quelqu'un qui peut spécialiser là-dedans. Isabelle a sa niche également de spécialité. Elle a même mis son atelier de travail au sous-sol du Fanamanga. Donc, elle travaille sur place également. Et moi, en plus, les vêtements sont magnifiques. Là. C'est pas la première fois qu'on voit les créations d'Isabelle. Pour les amateurs de ce genre de vêtements. Puis même, vu qu'à la boutique, il n'y a pas juste de ce genre-là, mais il y a des trucs qui s'y rapprochent. Mais il y a plusieurs créateurs québécois. Donc, moi, je vous dis, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Moi, j'ai vu une petite veste, là, un petit waistcoat là, qui m'aurait pas mal intéressé. Manteau d'hiver aussi, très beau, avec les boucles sur les manches. Ça avait l'air un bon manteau d'hiver. Il y avait des belles pièces sur place. Là, c'est tentant en maudit. Ça fait que moi, je le recommande à tout le monde. J'espère que vous allez aller faire un tour pour aller voir Isabelle. Et évidemment, les filles du Fanamanga, parce que... C'est sûr que je vais y aller. À partir du moment où je vais avoir une vie, je vais y aller. Mais en plus, Andrew... Toi et moi qui aimons beaucoup le Fanamanga pour les fameuses bento box et les onigiri, nouveauté du côté du Fanamanga, parce que c'est pas juste une question de réaménagement, on parle de nouveauté au Fanamanga également. Donc, nous qui sommes si friands de nourriture au Fanamanga, ben sache maintenant que les onigiri, ben tu pourras plus les trouver en frigo. Parce que tu vas les commander, tu vas les avoir frais au moment où tu vas les commander. Quoi? Nouveauté... Répète, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Nouveauté chez Fanamanga, onigiri frais, fait devant vous lors de la commande. Possibilité de commander un peu à l'avance pour aller vous chercher une commande pour emporter également. Vous pouvez le faire. Bon, ben désolé, moi je vous laisse les gars. Et aussi, Andrew, les fameux bento box qui étaient à accès restreint quand même. Là, c'était le samedi après-midi. Pis... Dis-moi pas qu'il est fait sur mesure maintenant comme les onigiri. À partir de maintenant, les jeudis, vendredis et samedis, dîner, souper, on se présente sur place. Pas besoin de commander à l'avance, on a le menu. Et j'ai dit, je veux ça, et on nous le fait. Mais qu'est-ce qu'on fait à jouer à Pathfinder le jeudi? On devrait être au Fanamanga. Bon, on pourrait y aller le vendredi ou le samedi, nous. Même aller dîner un samedi après-midi. Ben oui. Pourquoi pas? Ben oui. Donc, ça, c'est des grosses nouveautés. Moi, j'étais vraiment content d'apprendre ça. Puis, en même temps, il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent au niveau du menu, mais on m'a un peu laissé dans le... Sur ton appétit. Ouais, sur mon appétit, mais en tout cas, moi, je suis ça comme ça. Au lancement, j'ai pu goûter des gyoza Un peu à la dumpling, à la chinoise, là, donc ravioli farci aux légumes. J'ai mangé bâtonnets de tofu frit et sésame et des nouveaux onigiri. Je dis ça comme ça, un onigiri au filet mignon. Hein? Donc, moi, je vous lance comme ça. Là. On a eu tous les deux, les yeux. Les deux se sont virés de bord. Donc, là, c'est les quelques nouveautés que j'ai pu goûter sur place. Moi, j'ai hâte d'avoir le menu définitif. OK, les gars, on va parler de choses sérieuses. C'est quand qu'on y va. C'est quand qu'on y va. C'est quand qu'on va faire notre tour. On va aller dans l'Apollon. En plus, Andrew, écoute, là, ces temps-ci, t'as envie de recommencer à lire des mangas. Tu sais pas trop dans quoi te lancer. Sais-tu qu'est-ce qui s'en vient aussi chez Fana Manga? La possibilité de te procurer une carte de lecture sur place. Où tu pourras lire des séries tranquillement en buvant un bubble tea sur place. Tu prends un manga qui est disponible au comptoir. Et comme ça, tu peux te faire ton idée sur la prochaine série que tu voudras peut-être t'acheter. C'est qu'on a ce service-là qui s'en vient également chez Fana Manga. Et il y en a d'autres. Et en mangeant un onigiri. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent, mais on veut quand même garder ça. Est-ce qu'il y a de la nouveauté au niveau des bubble tea ou c'est toujours la même variété? Écoute, ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Moi, ils ont tout réaménagé le comptoir à cause justement de la table froide pour les onigiri. Parce que moi, j'ai vu plus de saveurs sur le comptoir que la dernière fois que j'étais allé. Donc en plus, il y a toujours cette... Puis de toute façon, les filles sont super open. On peut toujours jaser bubble tea avec eux autres. Ils sont toujours ouvertes à l'expérimentation. Je crois qu'il faudrait qu'on les contacte pour voir s'ils préfèrent un bubble tea puissance maximale. Ah, pourquoi pas? En tout cas, il y a une autre nouvelle aussi, mais ça, je peux pas en parler. J'ai promis aux filles de pas en parler tout de suite. Quand je pourrai avoir la nouvelle officielle, j'en parlerai à l'émission. Mais d'autres choses qui s'en viennent pour Fana Manga. Bref. Faut qu'on les contacte. Ils nous font un bubble tea puissance maximale. Mais tu sais, Irish Moutarde, ils ont une bière au corsaire. Pourquoi pas un bubble tea? Et ils ont refusé notre proposition, le corsaire. Là. C'est autres les pires. Là, on a essayé. Et voilà, écoutez, donc, une nouvelle boutique à l'intérieur même du Fana Manga et du nouveau. Du côté Fana Manga, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. C'est sur la rue Dupont à Québec. En fait, pour les connaisseurs de Bar Miteux, c'est juste à côté du Dauphin. Mais écoutez, ça vaut vraiment la peine d'aller faire votre tour. Les filles, évidemment, Jenny et Sonia, des perles, on les adore. Tu sais, quand tu vas voir les nouvelles, tu peux pas en parler. Là. Il serait dû pour venir faire un tour à un moment donné. Ben effectivement, ben je leur en avais parlé, mais quand on aura les grosses nouvelles, là, les nouveautés qu'ils veulent annoncer, mais pas tout de suite, là, on pourra leur glisser un mot de se présenter ici. Mais bref, deux nouvelles, en tout cas bref, une boutique qui en accueille une nouvelle, qui devient une nouvelle elle aussi par la même occasion, donc on vous invite à vous rendre sur la rue Dupont, à aller voir le Fana Manga, tout près du Dauphin, c'est tout près du coin Saint-Joseph, rue Dupont. Donc, vous pouvez vous y rendre et aller visiter nos amis du Fana Manga, soit pour de la nourriture, manga, goodies à la japonaise, des petits bijoux, même de autre genre de nourriture, même des ramen instantanés japonais qu'on peut pas retrouver ailleurs. Également des chips au curry. D'ailleurs, leurs chips au curry, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Ils sont super bonnes. Ah oui? Oh oui. Donc, on vous invite à vous rendre au Fana Manga. On les aime beaucoup. Ça fait pas la première fois qu'on vous en parle, mais cette fois-ci, là, faut vous y rendre. Donc, rue Dupont, à Québec. Et mesdames et messieurs, avant de passer à la chronique de Monsieur La Jeunesse, on va retourner en musique. Et là, on va aller entendre une chanson. Une chanson que Monsieur La Jeunesse m'a proposée, un peu pour me mettre avant sa chronique. C'est tiré d'une trame sonore d'un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Et qui torche, qui s'appelle Once We're Warriors. En fait, nous étions nous étions guerriers, c'est ouais, ça, exactement. En français. Donc, qui parle de descendants, finalement, de Maori. Et un peu, c'est pas dans un climat social très cool. C'est moderne, là, on s'entend que c'est pas une fresque historique, mais c'est vraiment des descendants Maori à notre époque, comment certains vivent ça. On parle de délinquance. Délinquance, pauvreté. Avec le mélange justement de cette identité-là, qui est une identité assez forte. Et pour les amateurs des All Blacks et des fameux Haka, c'est un peu ce rituel-là que l'équipe des All Blacks de rugby de Nouvelle-Zélande fait avant chaque combat. Quasiment, mais avant chaque match, mais vous allez en avoir pas mal aussi, puis vous allez plus comprendre un peu la nature de tout ça. Mais on va vous mettre une toune, finalement, la toune thème de ce film-là. Donc, on vous envoie le thème de Once We're Warriors à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Yeah. Là, je joue aux jeux vidéo, mais me semble qu'il me manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et oui, de retour à puissance maximale après la chanson thème du film Once We're Warriors. Vous avez entendu le magnifique thème de la chronique bière et jeux avec Monsieur Éric Lajeunesse. Salut Éric. Salut. Et là, contrairement à ce que... Ben, pas intimidant, parce que là, je me demande, faut-tu que je parle de même? Non, c'est ça, c'est la première fois que tu commences ta chronique avec la thème. Tu voulais pas que les deux snows te parodient, ben, je t'annonce que c'est toi. C'est ça. Sinon, ça merde. Contrairement à ce que l'annonce disait, on parlera pas de bière cette semaine, on va parler de cidre. Exact. Puis c'est de ta faute. Ben oui, c'est de ma faute, parce que tu te rappelais pas partout qu'on s'était dit qu'on parlerait de cidre en revenant des fêtes. Dans quelles circonstances on s'est parlé de ça, hein? Je pense qu'on était chez vous un 24 décembre. Ah, OK. Bonne raison pour pas s'en souvenir. Et non, c'est ça, on voulait parler cidre, et là, on a deux cidres, en fait, aujourd'hui. Ça fait que je pense qu'on va se scinder cette chronique-là en deux. En deux petits bouts. Oui, c'est ça, on va commencer, en fait, avec un cidre, là, j'ai ça entre les mains, là, en bouteille de 355 millilitres, le McCown, donc le cidre McCown au miel. Yeah. On dit un cidre aromatisé au miel, pétillant, gazéifié, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, monsieur Lajeunesse? Ben écoute, je connais pas le cidre pantoute. Je pense que c'est la deuxième fois que je bois ça de toute ma vie. C'est quand même super bon. Là. Je sais que t'es un grand amateur de cidre. Oui, moi j'adore le cidre. Plus que moi, là. Écoute, t'sais, j'aime les bières noires, j'aime les bières rouges. C'est super léger, là. Ça goûte la pomme. Mais c'est ça. Plus ou moins sucré. On goûte le miel au bout. Oui. Moi, je trouve ça très, très, très sucré, là. C'est quand même très bon. Mais tu vois, pour le gars de cidre en moi, je te dirais, je suis étonné. Étonnamment surpris du fait que, selon moi, ça goûte pas si sucré pour un cidre qui est au miel. OK. Parce que j'ai goûté bien des cidres dans ma vie, puis celui-là, malgré le fait qu'il y ait du miel dedans, là, le goût est quand même... Ouais, loin de l'hydromel, là? Non, c'est ça. C'est pas aussi sirupeux que de l'hydromel, loin de là. Okay. Mais la seule chose... Mais ça, c'est un défaut, en fait, des cidres en bouteille, je trouve. Les fameux cidres gazéifiés, là, je trouve qu'ils manquent de gaz. Je trouve que remarque, c'est peut-être... Mais je m'y connais au niveau amateur, là. J'aime y goûter et tout, là, mais je dirais que je sais pas si c'est le cidre en tant que tel qui garde pas le même pétillant qu'une bière ou mais souvent je trouve qu'il manque de petites bulles. Ouais, je saurais pas dire moi non plus si c'est normal ou pas, là, mais effectivement c'est à la limite flat même quasiment. Là. Ouais, ben c'est pas trop long. C'est bon pareil, là. Ça reste un cidre, là, un cidre de glace, t'auras pas ça gazéifié. Là. Ah non? En tout cas, pas ceux que j'ai bu, on remarque. Non, jamais c'était une blague que je faisais, okay. Je savais. Bon, mais... on sait jamais. Tu sais, t'as mangé du Taco Bell dans tous. Non, c'est ça. Arrête. j'ai tellement mon nacho suprême. Sur le cœur. Il a eu le temps de refroidir, puis il est devenu tout mou. Ah, pauvre toi. Donc, pour venir au cidre. Il y a quelqu'un à Québec qui m'en doit un. Et là, on parle d'un cidre, en fait, c'est fait au Québec, là. Oui, mais ben, tu sais, c'est. On parle de cidre fait avec des pommes, tu sais, étonnamment, tu sais, la cidrerie est à Rougemont. Quelle surprise! Mais je pense que c'est pas la seule cidrerie à Rougemont. Puis je peux te garantir que des bons cidres au Québec, on en fait, mais pour y aller de façon. Sans doute, c'est même probablement le fruit le plus cultivé au Québec, est-ce que si je me trompe pas. C'est un fruit qui se conserve extrêmement longtemps. C'est dans ce qu'on cultive le plus, effectivement, au Québec comme fruit, mais avec la température qu'on a, grâce à ça, on est capable de faire aussi d'excellents cidres de glace. Oui, exact. Donc, c'est ça, c'est une ciderie, bien évidemment, la ciderie McCown, qui est à Rougemont, au Québec. Et là, je ne sais pas si on l'a dit tantôt, mais on parle d'un cidre à 6%. Et ça c'est aussi, mesdames et messieurs, je tiens à dire, et pour l'avoir fait, mea culpa, boire du cidre rapidement, c'est traître, parce que... La magie du cidre, c'est que ça goûte le jus de pomme, on goûte pas vraiment l'alcool, mais c'est le même pourcentage qu'une bière, des fois plus fort. Ce qui fait que quand ça fait 6-7 qu'on prend, là, maintenant on se lève et on fait « Oh mon Dieu! » Bon, ben, c'est l'équivalent de prendre 6-7 bières. Voilà, c'est ça, puis on chantonne, puis on est heureux. Mais il faut faire attention... Avec les joues un peu rouges. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, dès que je prends un verre, c'est automatique. Mais il faut faire attention. Donc, on a quand même un 6% d'alcool ici. Il y a des cidres plus légers, bien évidemment. Mais au niveau du McCann, on a quand même un solide 6%. Donc, c'est la description du produit. Éric, tu as ça sous la main, j'imagine? Bien, à peine, là. Tu vois, on me parle d'un cidre authentique, rafraîchissant, blablabla, fait de pommes fraîches et parfaitement mûres. Évidemment, c'est un cidre. Oui. Mais c'est je confirme. Québec, c'est le site web est en construction. OK. Autant en anglais qu'en français. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations. La cidrerie est quand même récente. Ils disent nouvelle cidrerie, mais j'ai pas d'informations sur l'année non plus. Oui, c'est ça que j'allais dire. On dit nouveau. C'est limité, mais... vraiment, vraiment limité comme information. Là, je suis en train de regarder rapidement sur l'étiquette. Non, on n'a pas plus on n'a pas plus d'informations non, à ce niveau-là. Non, vraiment pas beaucoup. Fait qu'il faut se fier, je dirais, à nos papiers, à notre nez, puis... Mais sans farce, moi, c'est dans les très bons... En tout cas, dans les très bons cibles... Mais c'est ça, c'est un cidre de consommation, tu sais, qu'on peut boire plus souvent, là. Fait penser un peu au fameux... Ben, au cidre, donc CID, qui est une autre marque aussi, peut-être disponible. Mais je préfère... Je devrais avouer que celui-là, je le préfère. Oui, il est bon. Il est bon, puis je pense qu'ils n'en font pas juste au miel, il y en a aussi d'autres variantes. Oui, ils ont 3-4 saveurs. OK. Je te dirais que pour un amateur comme moi de bière beaucoup plus forte, qui peuvent être rebutantes pour certaines personnes, je dirais que le cidre pourrait être un excellent choix pour la guiguette. Oui, mais il y a beaucoup, en tout cas... Il y a beaucoup de filles que je connais qui aiment beaucoup, beaucoup le cidre. Oui. Des fois, effectivement, tu sais, le goût de la bière, on s'entend. Il y a des bières plus douces, des bières plus rough un peu, mais à la base, il y a certaines personnes, pas juste des filles en passant, là, il y a certaines personnes que ça rebute l'amertume des fois qu'on peut retrouver dans la bière. C'est en plus une petite finition sucrée, mielleuse un peu. Oui. Fait que... Moi, en fait, il y a toujours, là, on verra avec l'autre cidre qu'on a sous la main tantôt, mais ça, là, mélangé avec la Guinness, là, on a un excellent Black Velvet, là. Selon moi, c'est... Bon, certains non, mais diront... Faut pas qu'il soit mélangé. Il faut qu'il soit par étage. Oh, oui, mais tu sais ce que je veux dire, là. On va unir l'union de ces deux breuvages pour en faire un seul. On va dire ça comme ça, c'est d'ailleurs, plus poétique. Je vais saluer Joanie Gay, qui nous écoute actuellement, et qui dit « Cidre plus bière noire égale miam miam ». Effectivement. Bon, OK, il n'y a pas de égal, mais je présume qu'il y a un égal. Oui, mais c'est effectivement un excellent... Ben, en tout cas, les amateurs de pub irlandais connaissent cette fameuse recette, le Black Velvet, et aussi le Snake Bite, qui est une variante avec bière blonde. Donc, je pense qu'on tient quelque chose avec ce cidre-là. Il y a le White Velvet aussi avec la blanche. Ah ouais, j'avais jamais... Ben, tu vois, je pense que je me laisserais pas tenter par ça. Moi, déjà que la blanche, souvent, on souvent des arômes d'agrumes ou déjà de fruits. Ben, je disais le White Velvet parce que la fois où je l'ai vu dans un bar, c'était à cause que c'était une blanche qui était pas aux fruits, était au gingembre. Donc, elle avait pas de goût fruité. Mais ça faisait un mélange pomme et gingembre. Ça serait à tester. Comme d'ailleurs, ça. Ah, ben, c'est le Corsair qui le fait. C'est ce que j'allais dire, dans le fond, c'est avec la Tanaka. Ah, c'est ça, exactement. Pourquoi pas. J'allais exactement dire, testons la Tanaka avec ce délicieux cidre qu'on a entre les mains, pourquoi pas. Mais c'est un... En tout cas, moi, je recommande le Mekong tout seul, comme ça, excellent. Évidemment, l'hiver, c'est beaucoup d'été, hein? Ça goûte l'été quand on goûte ouais, ça. Ben là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Là. Je me disais sur le deck ou au soleil, une terrasse, tu sais... Oui, tout à fait. L'après-midi d'été, là, où il fait pas trop chaud non plus. Et d'expérience personnelle, cachez ça de votre chien en passant. Ouais, ben là, c'est sucré. Hein, que... Ils sont plus frénétiques autour de ça qu'une bière. Sérieusement, d'expérience. Ah, oui, encore plus qu'une bière. Oui. OK. Faites attention. J'ai déjà vu une place où une bière a été échappée et du cidre aussi, et je peux te garantir que le chien a... Très largement, J'allais dire les enfants aussi, parce que les enfants, eux autres, ils verront peut-être pas la différence avec le jus de pomme, mais... Oui, mais ça, c'est drôle, ils se couchent de bonne heure après. Vite de même. T'sais, pourquoi mettre du gin, t'sais? Pourquoi gaspiller du bon gin? Et donner voilà. Du cidre. De ça, acheter du cidre. Mais là, évidemment, avant de passer à... Pas tout de suite à l'autre bouteille, mais quand même, c'est une chronique à corps. Et dans ce cas-là, cidre et jeu. On donne-tu nos notes avant? Non, on va parler. La note, c'est à la fin, Andrew. OK. Ça fait deux fois, je te le dis. Écoute. Non. T'es sévère avec, là. Ah oui, je suis sévère avec. Sur les doigts. Quel jeu, messieurs, vous joueriez avec ça, évidemment? En tout cas, moi, vite comme ça. Ben, ça pourrait. En fait, c'est les deux, hein. Moi, j'ai comme une. Ça pourrait être un jeu autant léger que quelque chose. Parce que ça, moi, je peux boire ça. j'allais dire quelque chose. Ben, dis-le. Ben, je voulais pas couper des mics. Ben, vas-y, vas-y. Je jouerais à la Wii. Parce que c'est des jeux enfantins. OK, il y a juste vous autres qui la trouvent drôle. T'es épais. Mais autant... Eric l'a trouvé excellent. Non, il trouve épais, c'est pas ma affaire. Mais c'est synonyme. Mais autant que je pourrais me lancer. Moi, c'est encore plus cabochon que ça. Là, parce que je me dis, bon, c'est un cil, c'est de la pomme, on vire ça à Apple, à iPad, les petits jeux de merde que sur l'iPad. c'est tellement léger que c'est comme. Bon, associé ça m'inspire vraiment pas grand-chose. Moi, je jouerais à Candy Crush. Non. Ben, pourquoi pas? Ben, n'importe quel jeu qui est justement un petit jeu léger ou justement, vu que c'est pas toquant, des fois, on peut se lancer dans quelque chose de plus long. Mais encore là, le problème, c'est très bon, c'est rafraîchissant, ça descend tout seul, mais c'est quand même 6%. C'est quand même de finir votre partie. Mais là, vous vous rendez compte, vous avez bu un 6-pack, parce que je pense qu'on est, c'est disponible en... On peut l'acheter aussi en 6-pack, ça? Ouais, tout à fait. Puis j'ai vu les 3 ou 4 variétés tantôt aussi étaient disponibles en 6-pack. Mais effectivement, là, t'en prends 6 de même, puis... Non, c'est ça, ça paraît, là. Faut faire attention. T'as une majorité de bières qui sont à 4, 4,5 quand tu y penses, là. Puis ça, on a 6, fait que... Bon, oui, c'est... effectivement, là. Mais... Puis toi, ton choix dur? Écoute, bien sûr comme ça, là, mais... Ce temps-ci, j'étais un gros rat. Un gros rush de Grand Theft Auto Online, puis avec des amis, puis je me dis, ah, ça se passe, ça se prend bien, on joue quand même un 3h, 3h30 en ligne, en gang, on fait ça le mardi soir, justement pour obligé d'acheter un 6-pack, on s'en ouvre un ou deux pendant l'heure, on tient ça prêt, comme ça, on n'est pas, puis en plus, c'est niaiseux, mais là, on joue avec les casques, là, trop de bière, des fois, la petite digestion qui se fait, là, c'est un peu tannant pour nos collègues au bout du fil, mais avec ça, pas de problème, c'est doux, c'est léger. Ah, quand toi, t'as un casque d'écoute avec fil, toi? Alors, tout à fait. Alors, ah, c'est vrai, c'est moi qui ai sans fil. Moi, le sans fil, ben, la misère avec ça. Mais, je sais pas, moi, où les jeux longue haleine, là, j'aime, où les... Non, moi, ça m'inspire vraiment plus m'asseoir devant ma TV puis y aller pour une bonne partie, là, 2-3 heures, là. Ben, moi, je vais te donner une réponse sérieuse, là. Ben, vas-y, ben... c'était correct, là, oui, aussi, là, mais, tu sais, je parle... sérieusement, vous allez dire, j'en ai pas parlé encore, mais un Banish, un SimCity... jeu de gestion. T'es que pas de guerre, là, t'es quoi que ce soit, vraiment juste, je gère mes affaires, un petit cid, là, ça se prend bien, là, t'sais, c'est... Je jouerais un jeu de même aussi en prenant une coupe de vino. Ben oui, c'est vrai. Mais je viens d'avoir un flash. Je suis pas un gros amateur de ce genre de jeu-là. Dance Dance Revolution. Oh boy. Ou, tu sais, Just Dance, des trucs du genre, là. Ouais. Rafraîchissant, ouais. Pas lourd du tout. Qui donne pas chaud non plus. Non, c'est ça. Contrairement à ben des trucs que je peux boire des fois qui me donnent une petite bouffée, là, pendant que j'en prends. Ça, c'est frais. Je pense que... tient quoi, là? Vu que c'est... Je continue à dire que c'est quand même un produit qui peut se consommer de façon régulière comme une bière... pas dire une bière commerciale, mais comme une bière standard, là. C'est pas le cidre de glace, c'est pas le truc pour fêter, là. Mais justement, là, on part une game... je pense qu'on a un beau... quelque chose qui peut remplacer l'eau facilement. Pour ce genre ouais, de puis tu vois, connaissant ma capacité d'absorption de la chose, tu vois, avec ça dans une soirée, là, je pense que je me limite. Oh oui. Ben, je pense qu'après 4, j'en ai assez de ça. C'est bon, c'est super bon, mais il ne faut pas oublier que c'est acide, là. On parle de cidre, on parle de pommes, là, de fruits. Donc, c'est sûr que c'est plus acide qu'une bière. Il faut faire attention. Là, maintenant, de toute façon, vous le sentez, habituellement, là, après quelques verres de trop. On a toutes nos réactions, mais avec le cidre, là, on le sent, là. On sent l'acidité, donc c'est sûr que de ce côté-là, ça peut nous arrêter, surtout pour les gens qui sont pas habitués. Mais je pense que ça peut. Mais remarquez que moi, je prends la tolérance au niveau du cidre. Pas la tolérance, mais je cherche le mot, là. La modération. La modération, je le dis pas souvent. La modération a bien meilleur goût. Ouais, ben, dans le cas du cidre, je trouve, parce que c'est un. En tout cas, moi, je trouve que le cidre est un produit noble, autant que la bière, mais. On doit le respecter, donc trop en boire, des fois, c'est un peu gâcher le tout. T'as raison, je me mets au cidre pour limiter ma consommation. Et voilà. Pas. Donc voilà, écoutez, on vous disait ça rapidement, le McCoy, mais là, on va parler de nos notes. Donc, combien de pommes sur 10, M. Castegan? Ben, c'est sur 100 dans la grille, mais bon, c'est pas grave. Ben, combien de pommes sur 100? Moi, j'irais avec un 80. 80 pommes sur 100. Pour M. Castegan, Monsieur la jeunesse? Un 60-65. Ouais, toi, t'es vraiment un gars de bière. Oh, je suis un gars de bière. Oh oui. Mais t'aimes pas ça, mais ça reste que pour un, c'est un cidre. C'est bon, mais tu sais, ça me laisse sur mon appétit. Je vois, je sais pas. Après, peut-être qu'après 4, tu vas chercher du thé. on verra après l'autre. On s'en reparlera. Ça repart tantôt. Et pour moi, Mike, amateur de cidre, je vais donner un 8.5, un 85 pommes sur 100. OK, quand même. Sans farce, je préfère ça à beaucoup de marques qui sont sur le marché. Tu sais, je me rappelle pas, c'est le Mystique, le fameux cidre Mystique, ce qui était une des premières bouteilles de cidre là, en vente en dépanneur. Rapide, l'accès rapide, qui a un peu démocratisé le produit. Là. Ça, c'est les premiers que j'ai goûtés, puis c'est nettement supérieur. Puis, qu'est-ce que tu penses du Dublin's? Du Dublin's. Dublin's. Pas, ouais. OK, là, j'avais doublon, parce qu'on a une game de Pathfinder pirate, là, dans ma tête, j'avais doublon dans la tête. Mais j'ai pas été très impressionné par le Dublin's. Parce que le Dublin's, le Dublin's à côté de ça, c'est sucré pas rien qu'un peu. Là. C'est pas mauvais, le Dublin's, mais sans faire, ça, j'ai resté sur ma faim. OK. Je préfère celui-là. Okay. Ça valide l'impression que j'avais. Trop sucré, des fois. Surtout dans ce format-là. Là. C'est avec le format bouteille de bière, là, mm-hmm. On a tendance à y aller avec un peu moins, justement, de modération. C'est que quand t'arrives à quelque chose de trop sucré, des fois, je sais pas, là, ça toque vite. Puis, en tout cas, c'est mon opinion. Là. Bref. Voilà, c'était notre chronique sur le cidre McCown de Rougemont. Mais on a un autre cidre qu'on va goûter un peu plus tard dans l'émission, en fait en deuxième heure. On va vous parler de ça un peu plus tard. Mais avant toute chose, nous retournerons en musique, mesdames et messieurs. On va aller écouter un petit Epic Rap Battle of History. On va l'entendre Gandalf contre Dumbledore. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Allez vite. Shadow facts! Come riddle me this, you bitch! How's your little wand gonna meet my staff? I'll leave mics in flames! Touched by Kanda! Touch mine, Dumbledore, and scorch your other hand off! You fool! You got snaked! You're not a real fighter! Death makes you die and just makes my bright brighter! Your ass is like Gringotts, everyone makes a deposit! We all know you've more than a Poggart in your closet! The prophecy forgot to mention this day when I knocked your ass back to Gandalf the Grey! Check your status, they call me headmaster, you're nothing! Nice staff, you compensating for something? I prefer the company of wizards and I'm proud of it. You try to win your battles with two fat hobbits. You think your hairy-toed friends are gonna harm me? Wait till they get a taste of Dumbledore's army. Do not take me for some conjurer of cheap tricks. I don't give a fuck about your Order of Phoenix. I'll tie a new knot in your beard with your wrinkly balls, for I am the one rapper to rule them all. Your spells are a joke, not funny ones either. Mine's a Moria. Ha! More like Mindem and Seal. I'll expecto my Patronum on your face, you little snitch. And when I finish, I'ma fly like it's Quidditch. Who won? Who's there? Ludotar! Et oui, de retour à puissance maximale après Gandalf versus Dumbledore, The Epic Rap Battle of History. Et justement, on est de retour avec Andrew. Et là, il va nous parler d'un jeu qui s'appelle Banished sur PC, auquel tu as joué. Oui, je l'ai acheté le lendemain de sa sortie. Parce que, mesdames et messieurs, on est ici devant un de ces jeux indépendants, un peu comme Minecraft à l'époque. Que tu vois une vidéo, tu vois des let's play sur Internet, et tu fais « Crime, ça a de l'air cool comme jeu indépendant à 20$. » Là, tu te dis « Je vais aller regarder voir c'est quoi le studio. » Et que tu te rends compte que ce studio-là, il s'appelle un studio, mais finalement, il y a juste un dude en arrière. OK. C'est un gars qui a fait la musique, qui a fait les graphiques, qui a fait l'engin du jeu, qui a programmé le jeu, et tout le kit. Fait que là, c'est là que tu fais « Oh, OK! On est devant une de ces perles rares au niveau du jeu indépendant. Donc, Banish, c'est quoi? C'est en fait un jeu où on est des exilés de la civilisation. On est un groupe d'exilé qui s'est fait domper quelque part dans la forêt avec une charrette puis des outils. Et on doit, dans le fond, en tant que dieu, même si on n'est pas un dieu, mais quand on joue ces genres de jeux de construction de ville, on se considère comme étant un dieu parce qu'on n'est pas partie active de la construction de la ville. C'est tous les villageois et tout qui le fait. On fait juste, dans le fond, donner des ordres, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une inspiration. Mais tout ça pour dire que nous, en tant que dieu, on doit s'arranger pour que nos exilés se construisent une nouvelle ville et puissent ainsi procréer et ainsi devenir prospères et avoir une civilisation au final fonctionnelle et que le monde ne meure pas de faim. C'est pas mal le résumé de la chose. Donc, d'ailleurs, pour les auditeurs de Puissance Maximale, si vous êtes sur la page Facebook de Puissance Maximale, je viens d'y poster le gameplay trailer de Banish, donc allez voir ça. Donc, en fait, on parle d'un jeu sorti le 18 février par Shining Rock Software, alias Luc Odorowicz. Ici, bon. Pauvre gars. Comment scraper un nom? Je m'excuse d'avance. Pas d'avance, le mal est fait. Ouais, mais c'est pas encore sur Internet, là. Mais tout ça pour dire que dans le fond, c'est le gars qui a fait ça. C'est un jeu qui est prévu uniquement sur Windows. Donc, c'est distribué par le biais de Steam, Good Old Games, qu'on adore d'ailleurs comme studio. Oui. Non, pas studio, je veux dire plateforme de vente. Oui. Et aussi, à l'occasion, c'est un jeu qui fait son apparition dans le Humble Bundle. Et aussi disponible en achat digital directement sur le site du développeur. Écoute, Andrew, je te lance tout de suite une question comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis sur mon Facebook personnel qui ont joué puis qui ont beaucoup sacré. C'est un jeu qui est difficile? Oui. OK, ça explique bien des choses. Parce qu'en fait, la gestion, dans le fond, de Banish va jusqu'à la gestion et la création, dans le fond, du bois de chauffage. Okay. Parce que chose qu'il faut savoir, c'est que le jeu a les quatre saisons. On a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Puis l'hiver fait frais. Et l'hiver, il fait froid. Et les maisons, ben il faut que les maisons, ils chauffent. Il faut que les villageois aillent, dans le fond, du linge chaud pour l'hiver. Et pour ce faire, ben il faut faire une cour à bois. Pour que, dans le fond, le bois coupé dans la forêt soit converti en bois de feu pour qu'ils puissent réchauffer leur maison. Et aussi, ça prend un tailleur pour que le linge d'hiver soit créé. Mais pour que le tailleur puisse faire son linge d'hiver, ben, ça y prend de la fourrure. Donc, pour ça, ça prend un camp de chasse. Et pour le camp de chasse, ben, ça prend de la pierre et du bois pour pouvoir... Bref, c'est une chaîne comme ça qu'il faut, exactement, faut rendre optimal. Et c'est ça. Et la gestion va même jusqu'au forgeron qui va créer les outils. Et il faut lui dire les outils qu'on veut qu'il crée. Donc, dans le fond, c'est vraiment... Ça passe d'une gestion globale jusqu'à une micro-gestion. Et en même temps, les villageois de la ville, ils font la job qu'il leur est donnée, puis that's it, là. Donc, si tu dis à un villageois que c'est un bûcheron, ben il ne fait que bûcher. Donc, si tu as ton forgeron qui est mort de faim... Il n'y a plus de forgeron. S'il n'y a plus de forgeron, il faut que tu dises à un autre villageois de prendre le relais. On va en former un. C'est, et ça. C'est ça. Puis en plus... Là, on a Eric qui est crampé, je sais pas pourquoi. Que c'est un grand teuf Toto Amish. Ah ben oui, on pourrait voir ça comme ça. Ouais. Peut-être pas Grand Theft Auto, parce qu'il n'y a pas tant de gestion dans Grand Theft Auto, mais ça a c'est un comme... SimCity version Amish. God, ok. Ça pourrait être ça, j'avoue que... Ah. C'est depuis le début de l'émission que j'en regarde des vidéos, puis j'essaie de comprendre, puis je ne catch pas en tout, là, mais ça, c'est moi. Là, c'est, on est vraiment, on parle de la gestion vers le micro, mais c'est ça, ça doit faire pas mal de trucs à gérer. Là. Oui, mais tu sais, c'est d'où pourquoi... La difficulté est là, j'imagine. La difficulté est là, mais on peut jouer à différents niveaux de difficulté sur le jeu, mais la difficulté au niveau du jeu ne changera pas l'intelligence des villageois. Ça va faire... Ça va changer... Ça va changer uniquement le stock de départ. OK. Parce que dans le fond, si on joue à facile, ils vont nous donner, dans le fond, un endroit pour entreposer le matériel et aussi la cour à bois qui sert à couper le bois en chose pour le foyer, le bois de foyer. Et si on commence à normal, on a uniquement l'entrepôt. Et si on commence à difficile, ben on a juste la charrette avec des outils. Donc, si on commence à difficile, c'est on commence avec rien. Et en même temps, au niveau là, du jeu, mais quand on décide de starter, ben, il faut défricher la terre, t'es dans le fond couper le bois pour nous faire des ressources, pour pouvoir construire des maisons, faire des routes et toutes ces affaires-là. Et dans ce jeu-là, il n'y a pas de principe d'argent. Dans le fond, on n'a pas à gérer des taxes, on n'a pas à gérer tout l'aspect économique que SimCity, exemple, va nous demander de gérer. Dans celui-là, maintenant qu'on veut construire un bâtiment, on a accès à toute la palette de bâtiments qu'on peut construire. On peut construire un hôpital, ça nous tente, en rentrant au début du jeu, mettons, ah, de la merde, moi je fais pas de maison, je construis un hôpital tout de suite. Tant qu'on ait ressources. On peut, c'est juste que le bâtiment prend, dans le fond, des ressources. Du bois, de la roche, du métal, des choses comme ça. Puis il faut que nos villageois les ramassent. Donc, c'est tout cet aspect de gestion-là, dans le fond, qu'il faut avoir en tête en jouant à Banish. Et au niveau de Banish, ben, t'sais, c'est comme je disais, faut vraiment donner les ordres aux villageois pour dire, bon, ben, t'sais, il n'y a plus de bois, ben, allez couper du bois là-bas. Mais en même temps, on peut pas tout déboiser autour du village parce qu'il y a les herboristes qui ont besoin de forêt pour pouvoir faire les médicaments pour les... Dans le fond, pour les villageois, il y a aussi les rangers qui, dans le fond, s'occupent de reboiser le bois et de couper sans faire une coupe à blanc. Les chasseurs, les récolteurs pour ramasser les noix et tout ça. Parce qu'en même temps, mesdames et messieurs, vous devez vous avoir le plus possible de bouffe diversifiée parce que vous devez vous arranger pour que vos villageois aient une alimentation complète. Donc, pour être en santé. Parce que manger juste du pain, ça va pas. Non, ou juste du chevreuil, ça marche pas non plus. Non plus. Mais là, je suis en train de regarder le trailer, là, justement. Les graphiques sont quand même très intéressants. On n'a pas quelque chose de boboche. On parle, en fait, de graphiques roulant sur DirectX 11. Donc, vous n'avez pas besoin, dans le fond, d'une si grosse carte graphique que ça. Vous avez juste besoin d'une carte graphique compatible avec DirectX 11. La seule différence par la suite, c'est que ça va dépendre si vous activez les jeux d'ombre ou pas. Et certains éléments météorologiques. Oui, vas-y, t'es capable. Et voilà. Le CID est bon. Non, voilà, c'est ça. Donc, mais ça en farce, je vois les menus déroulés depuis tantôt sur le gate. Ah, boy, que ça a l'air compliqué. Mais c'est des parties à longue haleine, là. Tu fais pas une petite partie de 5 minutes. Ah, ça dépend. Moi, la première, je l'ai faite, a duré 15 minutes. OK. Qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'as pas fait? Ben en fait, c'est que j'ai construit mes maisons, j'ai construit mon storage parce que moi j'avais commencé à hard pour commencer parce que moi je voulais y aller à la. Parce que moi je suis un gros fan de jeux de gestion, là, pour que vous le sachiez. Là. Moi, c'est tout ou rien. Là. Fait que je me suis dit, moi je commence à hard, fuck les maisons, fuck le reste, je commence avec la charrette puis je vais m'arranger avec le reste. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai commencé comme ça. Et là, au début, il donne certains types de graines pour que tu puisses faire pousser des champs. Moi dans mon cas, c'était du blé d'Inde. Fait que j'ai fait un gros champ de blé d'Inde. Au yard, ils mangeront du blé d'Inde pendant un bout, puis après ça, je me diversifierai avec le reste. Pas tomber malade. Ben en fait, j'ai été infesté par des parasites dans le champ. Fait que j'ai perdu ma récolte. Et voilà. Donc, l'hiver est arrivé. Fuck. Fait que je vais du bois. J'ai tout pour mes villageois soyez au chaud. Tu peux-tu, y a-tu une option cannibalisme? Non. Ah, ben ça va régler ton problème. Non, mais le pire dans tout ça, c'est quand le monde il disait qu'il avait faim, j'aurais tellement ri. Parce que quand quelqu'un meurt, il y a une petite croix qui apparaît, puis ils disent « il est mort pour telle raison ». J'espérais voir de quoi apparaître pour dire « quelqu'un s'est fait manger par un autre » ou quelque chose comme bon. Ça. Ah, peut-être un futur DLC. Puis quand tu as de la famine, ou tu peux avoir des maladies aussi, parce que plus loin dans le jeu, tu peux construire un kiosque de voyons, j'ai juste le terme en anglais, un « trade post ». Donc... Poste de vente, poste de traite. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il y a un bateau qui vient, puis tu peux dire, ben moi, je te donne 50 unités de fer, puis je veux 15 poulets. Sauf que le problème qui arrive, c'est que des fois, ils peuvent te donner du stock, il y a des maladies. Ben oui. Fait que tu peux avoir de la peste ou des choses comme ça. Faut que tu penses à tout. Et comme j'ai déjà vu dans un Let's Play, c'est un jeu qui tient en haleine, même si c'est pas un jeu rapide en tant que tel. Oh oui. Quand tu gères un peu bien tes affaires, ça peut durer longtemps, comme ma deuxième game. Ça va pas si bien, mais t'sais, ça va bien. Dans l'optique que j'ai encore des villageois, puis le système, il roule. Mais ça cause que tu peux pas te développer trop vite, parce qu'en même temps, faut que tu te dises que tes familles, ben, faut qu'il y ait des enfants. Les enfants, au début, ben, ils foutent rien. Faut t'attendre qu'ils grandissent, puis qu'après ça, ils puissent travailler. Et ça, pour ça, ben, faut que tu développes ta ville. Mais en même temps, tu te dis, ah, ben, t'sais, j'étais à l'affaire, faudrait que je me construise un hôpital, faudrait que je me construise ici. Mais si t'as personne pour remplir la job de ce bâtiment-là. Ça sert à rien de l'avoir. Ça sert à rien. Puis si t'as un hôpital, tu veux un docteur. Le docteur, ça y prend quoi? De l'éducation. Donc, ça prend une école. Donc, pour l'école, ça prend un enseignant. Donc, t'sais, tout est relié à un point assez impressionnant. C'est ça, comme ils disent, c'est un jeu qui est pas compliqué en soi. Ça a l'air compliqué, mais la prise en main se fait super bien. Le tutoriel, il est super bien fait. Mais ce jeu-là, c'est que tu te développes et t'es jamais sécuritaire. Parce que plus que tu te développes d'une part, tu te dis, il y a une autre affaire, faut que je développe. Mais si je fais ça, je m'empérille telle autre affaire. Fait que t'étais toujours sur l'équilibre. Question comme ça, y a-t-il des menaces extérieures comme, je sais pas, moi, des ours qui attaquent le village ou... Ça, j'en ai pas vu. Je sais qu'il y a des catastrophes naturelles. Okay. Il peut y avoir un tremblement de terre, tu peux avoir, mettons, un orage. Une tornade, un Godzilla, une ovni. C'est ça, mettons, il peut y avoir un orage, une grosse tempête, puis là, t'as la foudre qui tombe dessus une maison, puis là, le feu se prépare, il se promène, puis si t'as pas de puits, puis que t'es pas j'ai une rivière, ben. Dans marbre. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça, comme dans un des trailers, justement, on voit une ville qui passe au feu complètement, avec des ruines, puis tout le kit, là. Fait que. C'est des choses qui peuvent arriver, puis. Le jeu est quand même bien fait, c'est une chose. Il y a du monde qui aimeront pas ça, mais des fois, tu as l'impression que tu t'es fait fourrer par le jeu. Mais t'es comme exemple, le champ de blé d'Inde. T'sais, je me fiais beaucoup pour ça, puis regarde, j'ai eu des parasites dedans, j'ai pas eu de bouffe. Mais t'sais, en même temps, il y a comme le principe de l'hasard dans la vie que t'sais, oui, on se sent sécuritaire, mais t'sais, je fais un exemple, il est arrivé des choses dans ma vie que t'sais, on se rend compte que la vie tient sur un fil. Oh oui. Puis ce jeu-là. Te donne ce sentiment-là. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu fais... Ta partie n'est à l'abri de rien. C'est ça. Tout peut arriver. Ouais, c'est un sentiment qu'on a qu'on a rarement, ça, dans les jeux, normalement. Ça fait que ça vaut... j'avoue que l'expérience... Parce que chaque partie est unique. Il arrivera jamais la même chose. Donc, c'est pour ça que... Comme je dis, on n'a jamais un sentiment de sécurité, parce que même si on prévoit un puits, même si on prévoit bien des choses, un tremblement de terre, et voilà. Ben beau que t'aies prévu de le plus que tu peux, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des morts, il va y avoir des choses qui vont se détruire. Mais ça, c'est le genre de choses qui peuvent arriver dans Banish. C'est bon, ça. C'est, comme je dis aussi, la peste, des maladies, des parasites dans les champs, tout ça peut arriver, c'est d'une façon totalement aléatoire. C'est quelque chose qui est hors du contrôle du joueur. Et quand que ton champ, il s'est fait bouffer par des parasites, il n'y a pas de produit dans ce jeu-là. Ah non, là. C'est ça, on est en mode amiche. Ta récolte est perdue, là. Fait que si c'était ta seule source de nourriture, t'es dans le trouble. T'sais, c'est ce genre de principe-là. T'as jamais, jamais, jamais l'esprit où tout va bien. On peut pas avoir l'esprit tranquille dans ce jeu-là. C'est ça. Ah ben écoute, Andrew, tu me donnes... Ben, en tout cas, moi, parce que je suis pas un super gros fan de jeux de gestion, mais j'avoue que le... Ce petit sentiment-là qu'on ne retrouve pas souvent dans les jeux, là, c'est quand même très. Ça m'intrigue de voir jusqu'où ça peut aller, ce jeu-là, toutes les possibilités que ça nous offre. Écoute, merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de Banish sur PC. C'est disponible dès maintenant sur Steam et GOG. Oui, ben c'est ça. Comme je disais, le jeu est sorti le 18 février. Donc, je vous dirais, même si vous êtes tenté de le pogner dans un Humble Bundle, pensez que c'est uniquement un gars qui a développé ce jeu-là. Donc, mais c'est, en tout cas, juste que dans le Humble Bundle, vous pouvez donner un montant au développeur. Donner donc un petit boost. Un petit montant, là. Il aimerait bien ça, je suis pas mal convaincu. Ben parce que pour l'œuvre d'une seule et unique personne, là, c'est très impressionnant. Bon, oui, quand même. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un tout petit download. Là. On parle de 105 MB. Ah, ouais. Oui, c'est très petit. C'est vraiment pas gros, là. Bon, ben, félicitations aux développeurs. Puis, Andrew l'a bien vendu, là. Je pense que je vais lui donner sa chance. Pour les amateurs de jeux de gestion, allez vous chercher ça sur Steam et GOG. Ça s'appelle Banished sur PC. Ben, tu sais, en même temps, je veux juste avertir d'une chose. C'est sûr que le jeu, il vient de sortir, il est en release, il est très stable. Là. On parle pas d'une bêta ou quoi que ce soit. Mais comme je dis, c'est le jeu d'un seul et unique gars. Fait que ça arrive que le jeu a des petits ratés. Mais le système de sauvegarde automatique est quand même très bien fait. Ça m'est arrivé une fois depuis que j'ai fait l'achat du jeu que le jeu m'a vraiment planté dans la face. Et ma ville était sauvegardée peut-être genre une minute avant que le crash est arrivé. Fait que j'ai pas eu d'impact si grand que ça. C'est qu'on peut être un peu souffrir d'insécurité dans le jeu-là, mais pas à cause de la save. C'est ça. Ça se fait bien. C'est bon. Merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de Banish. T'es là. C'est déjà la fin de la première heure de Puissance Maximale. Et comme je vous ai promis, on s'en va, mesdames et messieurs, vers une pause assez, on va dire, une pause métal. Et on s'en va à la pause de Puissance Maximale avec Raining Blood, The Slayer. On vous envoie ça dans vos oreilles. Et on est de retour après pour la deuxième heure avec Monsieur Éric Lajeunesse pour la suite de sa chronique. On va reparler avec Andrew et on va parler de nouvelles ludiques également. On vous envoie ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis! Hi, I'm Alexey Bajitnov. I'm creator of Tetris, and you're listening to Sans Maximal. Et oui, de retour pour la deuxième heure de Puissance Maximale, tout de suite après Raining Blood de Slayer. Hein? Ça, je te l'avais dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça, puis c'est toujours bon. Ça. Il y a du monde à la radio qui ont dû faire le saut peut-être, là, mais bon, c'est une excellente chanson. Et là, on s'en va pour la deuxième partie de la chronique de Monsieur la Jeunesse. On va parler d'un autre site, puis là en plus, on a les deux snooze en studio avec nous autres. Là. Bonsoir, bonsoir! Salut. Salut Alex, salut Marcus, ça va bien? Ça va très bien, merci vous-même. Ben oui, moi je vois juste ton dessus de tête, là, mais... comme d'habitude, quoi. Non, c'est ça. Ben là, ça, vous avez apporté des bulles. C'était notre 10e anniversaire la semaine dernière. Ben oui, les gars, hey, santé. Ouais, les gars. En passant, j'ai porté votre bannière pendant toute la semaine là, sur Facebook. Ah, oui, c'est vrai. Ben merci. Pour une fois que tu avais une bannière cool, c'est cool. Elle est toujours cool. C'est soit un Domokun ou un Pac-Man, ça va. Fait que ouais, puis là, t'as remis ton Domokun. Ouais, j'étais dû. Là, j'étais allé de voir Pac-Man. Mais on apprécie ton support. Quand ça va être notre 10e anniversaire, je m'attends à la même chose. Ouais, ben c'est pour bientôt, il me semble que ça fait longtemps. Dans que 4 ans. Ah, ouais, 3 ans et demi à peu près. Ouais. Ouais. Oh, ouais, on va être là, ça c'est sûr et certain. On n'a rien d'autre à faire, mais bon. On parle pour toi. Non, moi j'ai juste puissance maximale, je ne vis que pour ça. Mais je vis aussi pour l'alcool, mesdames et messieurs. Et là on va continuer en jaser avec Monsieur la Jeunesse. Puis là on va parler du cœur à tout. Donc, de la ciderie Michel Jaudoin, on a un... Pas Michel. Ben oui, Michel. Ah ben? Ben Michel, de Rougemont, encore une fois. Deux cideries de Rougemont, on est étonnés. Mais c'est le thème. Non, c'est ça, on est dans le thème Rougemont. Ils doivent pas être loin, hein, parce que c'est le même code postal, les deux. En région, des fois, les codes postales. Ouais, j'avoue, hein. Mais les villages au complet, ça amène, tu sais. Ben oui, c'est sûr. En tout cas, c'est pas comme Kamouraska, 12 juillet, là, G0L3X0. Sérieusement, là, c'est... J'osais pas planter, c'est pas comme, là, mais bon. Sérieusement, là, tu viens de piquer ma curiosité. Je pense que je vais le Google mapper. Ouais, on va aller voir ça. Et là, on parle d'un site, là, cette fois-ci, rosé, monsieur. Ah ouais, un vrai drink de fille, là. Ah ouais, tout à fait. Mais une autre affaire que je connais pas partout. C'est encore un site, là, rosé. J'aime pas les rosés, mais bon, c'est pour faire plaisir à Mike, là. Mais là, ouais, non, c'est ça. C'est moi qui avais dit qu'on allait parler de site parce qu'on avait bu trop de bière pendant le temps des fêtes. C'est ça, puis moi, je me souviens pas en tout d'avoir eu cette discussion-là, fait que... C'est ça qui est drôle, en fait. Ça, je l'ai dit tantôt, c'est qu'on a fait ça, on a parlé de ça un 24 décembre au soir chez eux, là. Je pense que la vie de château et... on avait pris une bière à... une noire à l'absinthe. À l'absinthe. Est-ce que vous voulez rire? Vas-y donc. Les deux cidreries sont à 5 minutes en char de distance. Et voilà, ça explique bien les choses. Donc, c'est ça, on a un cidre rosé. Ouais, effectivement, clair, et ils disent clair et limpide. On va leur donner ça. Puis en fait, beaucoup plus. Tantôt, je disais que souvent, les cidres, je les trouvais pas assez gazéifiés. Là. Non, celui-là, ça pétille. Là, ça pétille. Là. Mais là, tantôt, je parlais de quelque chose de festif, là. On pourrait avoir quelque chose, justement, qui est moins... ben là, on parle quand même de... C'est une bouteille de... C'est 750 millilitres, là. Ouais, celle-là, c'est une 750. C'est pas en format bouteille de bière, là, donc... Disponible en petit format, par exemple. Ah, ouais? Oui. Bon, ouais, ben... Si tu regardes la photo sur l'affiche de M. Lajeunesse... C'est une petite. Ah, ben oui, t'as bien raison. Couché sur le côté. Mais là, on parle d'un 6,4%. Encore plus fort que l'autre. Encore une fois, mesdames et messieurs, modération, s'il vous plaît. Calez pas une bouteille de même, parce que vous allez faire le saut. Comment t'as dit, Marcus? C'est différent que Guillaume Loin, ça. Rougemont, Montréal. Ah, bienvenue au tricheur! T'es drôle, Marcus. Oui, je... C'est tombé que c'est pas toi qui as le micro. Bon. t'es drôle, mais va-t'en, là. Va-t'en que ton verre de faux, mais c'est... Donc, non, mais c'est ça, c'est pas mal. Mais plus acide, en tout cas, que tantôt. On avait un cidre pas mal plus sucré. C'est sûr que là, au miel, ça paraissait. Mais on parle de léger arôme. Voilà. De fruits rouges. Et oui, je le conçois et je confirme. Léger, ouais, il est plus léger que l'autre. Au goût, même s'il est 6,4, là, tantôt, on le sent. C'est sûr, cidre au miel, faut s'y attendre, là. Mais. Ça, je trouve qu'on est pas mal plus proche d'un vin rosé que d'un cidre. Là. En tout cas, selon moi. Là. Meilleur goûter, je peux te dire ça. Je goûte pas vraiment à pomme. Mais j'avoue que... Ouais, il est pas mal. Ben, il est pas mal plus acide, là, ça, on vous le garantit. Là, ouais, goût. C'est ça. Puis, je sais pas, le fait que ce soit plus acide, puis avec les bulles qui soient aussi gazéifiées, c'est ça qui masque, je trouve, le goût de la pomme. Ben, Pogne-toi un verre de jus de pomme Rougemont, là, puis mets un petit peu de bulle, ça goûte pareil. Non, ah, ouais. Ah, c'est pareil. Ah. J'en bois du Rougemont. Là. Ah, ben là, si Marcus le dit. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Mmh. Puis là, on va le tester. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va dire, là, Marcus, là... Arrête de nous bullshitter. Donc, là, par exemple, on a-tu une année, là? Parce que là, tantôt, on a quand même une ciderie qui est quand même assez récente. Mais pour celle-là, on parle-tu de... On parle comme d'un 88. Oh! On parle comme d'un 88. Non, l'année de ma naissance. Moi, je m'en vanterai pas à ta place. Non, il n'y a pas juste eu des bonnes choses en 88, c'est ça que tu es en train de dire. Non, c'est ça. Là. Non, non. Il y a eu ce cèdre-là, puis un roux. Là. Un roux, puis du synthétiseur. Ah, j'avais pas pensé au synthétiseur. Non, non, arrêtez, là, vous êtes juste jaloux. Non, ça, synthétiseur. Non, ouais, ça va en tout cas, bref, on parlera pas de la musique des années 80 ici. Des drôles d'images. Hein. Donc, comme on disait, des cèdres légers. Écoute, on dirait que moi j'en ai un peu moins à dire cela que l'autre. En fait, il est bon, je l'aime beaucoup. C'est bon, mais c'est plate. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? C'est plate. Mais c'est comme on voit plus... l'amateur de bière. Là. Oh, oui, lui, c'est clair. Lui, il est déçu là, de son mois. Là, lui, il dit garde le mois prochain. Là, vivement le mois prochain. Mike, il va en goûter une. Là. Arrête donc, moi j'arrête pas d'aimer ce que t'amènes. Là. Force-toi un peu. Mais, mais j'avoue que c'est... C'est bon, je te prends au mot, on ramène... Non. On ramène la noire à l'absinthe. Oublie ça. C'est un 4-pack qu'on a ouvert le 24 décembre ouais. Chez nous. Il en reste une, puis elle va rester là. Parce que ça en face, c'est... ce 4-pack-là, en fait, c'est parce que c'est à l'absinthe, ça, c'est tel que tel, mais il est très, très, très anisé. C'est que ça goûte la réglisse noire, c'est un Christi de temps. Puis c'est, regarde, tu sais... Puis dès que ça tombe, le moindrement tablette, là, j'avais l'impression de... Tu sais, du sirop bâclé, tu te pinces le nez, là, même affaire. C'est un frigidaire, c'est autour de 3-4 degrés. C'est la bouteille, ils disent de prendre ça entre 12 et 14. Oublie ça. Puis tu sais, c'est une bière de gars. On peut dire que c'est une vraie bière d'homme, là. Oh, oui. On était tous des estis de fifes ce soir-là. Alors, ça allait pas bien, là. Ça n'a aucun sens. Non, c'est pas... Mais tu vois, c'est ça. Pour le cidre, là, moi, je vois dans le festif. Un petit verre comme ça, pas plus. Mais on s'entend, on regoute ça au mois de juin sur une terrasse. On n'a pas le même feeling non plus, là. C'est sûr. Mais non, c'est clair. Mais encore là, ça me fait penser au Wild Vine à sa pièce, là. Ouais, ah, ouais. Aux pêches, aux fraises. Ben, aux framboises, ouais, aux fraises, ça. Aux mûres. Ça me fait penser à ça, là. Je trouve ça un Penses-tu peu... qu'avec plus d'alcool, un plus haut degré d'alcool, t'apprécierais plus? Ça va y faire oublier, là, mais... Oh, mais ça, je suis déçu. Oui, c'est comme... Il n'y a pas de batterie dedans. Ah non, un gilet! Moi, je le déteste pas, étant un gros amateur de cidre. C'est comme trouver une patate dans ton bas de Noël. OK, je pense qu'il n'y aura pas de grosses notes sur ce produit-là de la part d'Éric, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, c'est festif à un verre. Mais même moi qui aime le cidre, là, un verre comme ça, un peu comme ça, un rosé pétillant ou... un mousseux quelconque, là, t'en prends un verre, c'est bien le fun, là, mais... Ah non, j'ai vraiment de loin préféré le produit précédent. Ouais. De loin. Écoute, malgré le fait, mettons. T'as-tu quelque chose qui te vient en tête pour le jeu? Ça va être difficile, je pense. Un bon jeu décevant. Moi, j'aurais un bon jeu décevant. Là. Ah, Sonic 2006. OK, là, OK, c'est correct. Parce que là, pendant un moment, t'as dit Sonic. Et là, pendant ma tête, j'ai fait, là, rajoute un chiffre. Là, parce que tu fais juste dire Sonic en général, je te fusille en sortant ici. Là. Sonic au sexe. Ah ouais? Sonic, ouais. Bref, on va aller dans le jeu décevant. Ramène dans le village, tu jases. Moi, je vais surenchérir en disant Sonic Unleashed. Quand t'arrives à la pause du loup-garou. Quoi? Ils font un gros hype. Moi, je connais pas les Sonic. Là, on me dit Sonic et loup-garou, moi, je capote. Là. Okay. Ben non, mais le premier tableau de vitesse, il était le fun. T'sais. Après ça, t'arrives au bout où tu tombes dans une espèce de beat'em all de très lent, très mauvais, avec une espèce de système de stats et de level pour faire frapper plus fort puis courir plus vite avec le Sonic. J'ai fait, bon, OK, je vais éteindre la console puis je vais faire comme ça s'était jamais passé. Ben écoute, moi, vu que... coupe tranquille comme ça, il n'y a vraiment aucun jeu qui me vient en tête, parce que c'est ça, tu prends une coupe, t'as la paix, puis t'en prends pas d'autre, là, me semble que... Puis elle est vite consommée quand même, là, c'est pas du gin, ça se boit quand même assez facilement, ouais, là, ouais, ça reste ben du cidre, ouais. Là. Ça que je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de... Ah, une petite game de Uno, sponsor de l'art, je sais pas, non, ça fasse... Un petit BJ Well, là. Candy Crush, là. Le nouveau Rambo que j'ai essayé, le jeu vidéo. Quoi? Ah oui, un jeu, il est sorti, il fait pas longtemps, Rambo. Ah ben, Calvas. C'est sur quoi? Sur PC? Sur console, PC, Xbox. Hein? Ah ben, ok, bon ben les gars, pour, c'est pour... qui fait le choix la semaine prochaine, ouais. pour on vous en apprend, ouais. Non, mais c'est parce que les gars, nous autres, on s'intéresse au jeu le fun et qui risque d'avoir du potentiel. En passant, je vais vous dire tout de suite, il y a une règle non écrite dans le monde du jeu vidéo qui dit que c'est un film concernant une licence de film, c'est mauvais. Un jeu considérant une licence ouais, de film. C'est ça. Et vice-versa d'ailleurs, hein, ouais. Souvent. C'est ça. Ouais. Là, à date, un des seuls jeux que je crois... Ben, peut-être pas un des seuls, mais dans l'ère moderne, je parle, qui va peut-être déroger à cette règle-là, c'est le jeu de South Park qui s'en vient. Ça, ouais. C'est... Ouais, mais... Ouais, non. Ben, ça, c'est... Ouais, c'est pas pareil, là. C'est pas un film, c'est une... Ben, c'est une série télé, mais c'est pareil. Ouais, même des jeux, c'est une série télé, là. Pensez à South Park 64, là. C'était pas mauvais, ouais. On peut ben, lancer des boules de neige jaune, puis pitcher des vases. Des siphons. Puis des siphons, là. C'est malade. Ouais, c'est... Ah, mais moi, je pense qu'on va se donner une mission, les gars, pour la prochaine chronique bière et jeux, là. On essaiera Rambo. Salut, le bonbon. Déjà, Rambo à la base, comme concept, mais bref. Donc, écoutez, j'ai même pas d'idée de jeu par rapport à ce produit-là. Pas mauvais, mais décevant. Je l'avouerai un peu. En fait, il se démarque pas de ben des produits que j'ai déjà goûté avant. Regarde, je vais dire, j'aurais un jeu de licence de film. T'as un gros hype ben, parce que tu penses au film. Ah oui, puis tu joues au jeu. Après, hein? Puis tu joues au jeu. Oh. Puis c'est ça. T'es déçu. T'sais, c'est cette sensation-là que ce cid-là donne. Bref, vous avez un jeu. Merci les deux snooze. C'est bon. Je vais vous rendre cette suggestion-là en parlant de Rambo. Bref, finalement, c'est des. Tu dis, ah, je vais le prendre le jeu-là. Pas sûr, pas tout. Tu t'ouvres tu prends un petit verre de ça, là, parce que tu sais que ça sera pas long, puis tu risques d'être déçu. Là, on peut aller dans cette lignée-là, finalement. Tu l'as essayé pareil. Ben, c'est ça. La même affaire pour le cidre en question. Mais juste dire, pour les fans de cidre, c'est un très bon produit. Tantôt, vous savez, on est rough avec, mais pour les gens qui aiment ça, de pomme, il est correct, c'est un bon cidre, malgré qu'il y en a des pas mal plus pires que ça, mais ça cause que pour faire un contraste avec l'autre qu'on a bu tantôt, il y a une méchante différence. C'est aussi le fait que des produits comme ça, le marché, ils se démarquent pas beaucoup, mettons. C'est ma grosse critique de ce produit. Mais tu sais, dans le cidre rosé, c'est un bon cidre. Tu sais, si vous cherchez un bon cidre qui n'a pas une amertume... Non, c'est à ça. Tout casser. Mais si vous avez des problèmes d'acidité, par exemple, faites attention. Puis on peut acheter ça où, juste? Bon, dépanneur tout près. Ou dépanneur tout près. Yes, d'ailleurs, je voulais le dire tantôt, le dépanneur tout près qu'on peut retrouver au 97 rue Wolfe à Lévis, donc où on prend tous nos produits pour la chronique d'Éric. Donc, vous pouvez vous y rendre pour trouver cidre, bière, puis, de microbrasserie. C'est des amateurs. Des pros. C'est des amateurs de bière, mais c'est des professionnels dans le cadre de leur travail. Oui, parce qu'Éric, en plus de se présenter là, il ne prend pas n'importe quoi. Il demande quand même l'avis de la patronne quand il se rend là. Puis en plus, il n'y a pas juste de la bière. Il y a des accessoires pour déguster vos bières. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une botte. Une belle variété de bière, puis de bière, de verre. C'est ça, il y a une botte. Puis ils connaissent leurs produits aussi. Ils connaissent vraiment leurs produits. Là, t'arrives là, tu sais pas trop ce que tu veux, tu as une idée de ce que t'aimes, ils vont pouvoir te conseiller. C'est très agréable. Donc, on remercie les gens du dépanneur tout près pour nous avoir fourni ces produits pour la chronique. Et pour terminer, vos notes, messieurs, monsieur Castegan? 60. Un 60 sur 100, monsieur La Jeunesse? 40. 40, même pas la note de passage. Ah, non, pas tout. Pour ma part, les deux snooze. 70. 70? Ouais, ben, 70, 75, là. Je vais abonder aussi en votre sens, un 70, 75, pour ma part aussi. Pas mauvais, c'est un bon produit, mais... Ça se boit comme de l'eau. C'est ça. Ouais, quand c'est pris dans les bonnes circonstances, ça peut être un 80, là, dans le sens... un après-midi festif de juin, là. Voilà, non, c'est ça. Ou quand tu t'habilles en fer, là. Genre, tu sais, tes mères intérimaires à Laval, mettons. Mais bon, passons. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'y avoir goûté. Merci beaucoup, Eric, d'être passé pour nous en parler. Bien évidemment, tu restes jusqu'à la fin de l'émission. Évidemment. All right, j'ai reseté mon ardoise pour le prochain show des deux snooze, ça va bien. C'est ça, tu vas pas retourner voir les deux snooze. Donc, merci beaucoup, messieurs. Et avant d'aller reparler avec Andrew, mais cette fois-ci de Tomb Raider, je cherche le nom complet. Definitive Edition sur la PS4. Voilà, ben avant ça, on va aller écouter de la musique. Et là, on va aller écouter M. Brentle Floss avec Final Fantasy Classic with Lyrics. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. 96.9 FM. Once again the world might fall prey to an ancient evil. Once again we're hurled into darkness and great upheaval. Those who can enlist, let's unite and we'll fight together. We must save the crystals or orbs or the moon, whatever. Come, let's fly. We'll sail where the wind may take us through that starry sky. 'Cause apparently back then they had ships that could do that. Draw your sword and stick it in trees that have human features. Journey toward the thicket and steal shit from woodland creatures. Though the villain shames us, we'll pwn all his dark abettors. Funny how our names all contain less than seven letters. Shine your light, the forces of evil can't outlast a major knight. A weird little kid and a ninja master, key change move. Raise our levels high, cross the mountains and plains and oceans. Don't forget to buy several buttloads of tents and potions. Storm the villain's hideout and keep your courageous spirit. Scream a battle cry loud enough that the bitch can hear it. Finally, the hunter of souls shall be the hunted. When we were little, summer vacation, dancing in our jammies, 'cause we beat Final Fantasy. Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Merci, Jaune Jaune. Et après Brental Floss et son Final Fantasy Classic with Lyrics, on revient avec Monsieur Castigan. Et là, on va parler d'un autre jeu. On va parler de Tomb Raider Definitive Edition pour PlayStation 4. Ouais, ben, tu sais, j'espérais qu'Eric l'aille jouer, là, pour me dire à quel point que la version Xbox One est supérieure en tout point à la version PS4. Mais bon, on va se contenter juste de la version PS4. Ben, c'est parce qu'en fait, je l'ai joué sur PC. Ouais, mais la version PS4 et Xbox One est supérieure à la version PC, mon cher. Supérieure à quel point? Nouveau moteur physique, nouveau moteur de ben des choses, en fait. Ben, j'avoue que, ok, on va être honnête, là, je pense pas que je me le serais procuré si le seul truc qu'il y a, c'est un meilleur engin physique puis des meilleurs graphiques, ça, ouais, c'est sûr mais et certain. Moi, je l'avais pas sur la plateforme, mais je l'ai pas joué. Quelqu'un qui l'a pas, pourquoi pas, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas un argument de plus pour en racheter un. Parce que j'ai comme fait, bon, ben tu sais, je vais attendre une vente sur Steam, mais à chaque fois qu'il était en vente ou des jours comme ça, ben j'avais pas l'argent pour me l'acheter, puis ça a fait comme, ah, mais crime, Definitive Edition, tout est dedans, tout est DLC, puis tout, puis nouveau moteur physique, nouveau moteur pour ben des affaires. Ben là, il y a les DLC, tu me dis, là. Oui. Bon, OK. Peut-être un argument. Mais encore là, ça reste que si vous ne l'avez pas, oui, mais si on l'a déjà, ça non. Vaut, c'est ça, ça vaut peut-être pas la peine de le racheter. Donc, vas-y. Ben voilà. Dans le fond, c'est Tomb Raider. On va passer c'est Tomb Raider. Il est mieux. Voilà, fin de l'histoire. Non, en fait, je ne referai pas toute une histoire de long en large. On en a déjà parlé. En fait, on retrouve le jeu de Tomb Raider, ainsi que tous les DLC pour le contenu multijoueur et les additional content pour le solo, qui se résumait dans le fond à certains costumes, quelques autres gogos, comme des tombeaux plus, mais t'es pas des masses. C'est des collectibles, finalement. Là. C'est ça. T'es, y a pas une histoire annexe, là. T'es, si le monde y pensait ça, là. Mais non. T'es, c'est, le gros, en fait, là, qu'il y a eu avec le Definitive Edition, c'est que Crystal Dynamics et Square Enix, excusez-moi, avaient déjà commencé à travailler sur le jeu et tout. Et en sideline, il avait déjà commencé à travailler sur la PlayStation 4 et la Xbox One. Puis la Definitive Edition, c'est un autre engin pour le rendu graphique versus la version PC, la version Xbox One et la version PS3. Si on fait une comparaison, dans le fond, c'est que si on prend la version standard de Tomb Raider, la meilleure version à jouer, c'est la version PC. En fait, qualité de jeu, qualité graphique et tout le kit, c'est le jeu qui va avoir le plus beau rendu au niveau graphique. Malade. Si on va avec la version Xbox One et la version PS4, c'est somme toute semblable les deux consoles. Nous, on a déjà fait une comparaison graphique. J'ai vu des vidéos de comparaison, je vais vous dire, c'est exactement la même différence au niveau que de Assassin's Creed. On se rappelle, on avait parlé d'Assassin's Creed, je trouvais que la Xbox One avait des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus chaudes, beaucoup plus frappantes. Ouais. Par contre, moi, je trouvais que la PlayStation 4 gérait beaucoup mieux les ombres et les jeux de lumière. Donc, on va retrouver, dans le fond, le même principe. La PS4, Tomb Raider, a des couleurs plus froides, mais un jeu de lumière beaucoup mieux géré pour l'ombrage et tout. Tandis que sur la version Xbox One, ben Lara Croft va avoir des couleurs plus chaudes, donc la couleur de peau va ressembler vraiment plus à la peau humaine, et on va voir des éléments beaucoup plus colorés quand on est dans la forêt ou des choses comme ça, versus la version PS4. Mais les versions de nuit, ben sont moins sombres un peu, moins dynamiques, versus la version PS4. Donc, c'est la grosse différence entre les deux au niveau de la vidéo, de qu'est-ce que j'ai pu voir. Sinon, au niveau de la grosse différence, c'est que dans le fond, on a un nouveau modèle, dans le fond, pour Lara Croft, beaucoup plus détaillé, donc de finition beaucoup plus travaillée au niveau du visage, des cheveux. Aussi, on a mis des réactions, des émotions sur le visage de Lara Croft. Donc, pendant le gameplay, si vous regardez le visage de Lara Croft pendant qu'elle avance ou quoi que ce soit, elle peut lâcher des soupirs, elle peut, en fond, avoir des yeux inquiets, stressés, avoir de la sueur qui coule sur elle. Et ça, sans que ça soit forcément une cinématique. On parle vraiment d'un élément en jeu. On parle aussi d'un nouveau moteur physique au niveau de tout l'équipement de Lara Croft. Donc, dans le fond, son carquois... On en avait parlé, là, qui pend vraiment, qui n'est pas attaché à la personne. Là. Exactement. Donc, mettons qu'elle est tête par en bas, mais la queue de cheval pend vers le bas. Il y a des cheveux qui peuvent accrocher après les oreilles de Lara Croft. Donc, une même scène de jeu, dans le fond, peut avoir une disposition des cheveux différente, juste par principe que c'est géré par un moteur physique. Certaines personnes pourraient peut-être trouver ces détails-là un peu niaiseux. Mais je veux dire, on est rendu dans des jeux tellement beaux, tellement raffinés au niveau du graphisme. On parle d'immersion dans les jeux, c'est rendu, selon moi, une obligation là, d'avoir des moteurs physiques comme ça pour bien rendre les jeux. Là. Ben, pis si vous vous souvenez, les gars, quand on a testé les deux consoles, tu sais, de next-gen chez nous, là, c'est ce qui nous avait sauté aux yeux tout de suite. Tu sais, c'était pas... La différence, c'est pas flagrante entre l'ancienne puis la présente génération. Surtout si tu joues PC entre ça. T'as déjà vu ce genre de graphisme-là. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui vient s'ajouter qui fait que... Puis ça saute pas aux yeux, mais c'est ce qui fait que tout est plus naturel. C'est ça, exactement. Puis dans le cas de Lara Croft, c'est ça, on parle dans le fond l'équipement, la pioche qu'elle traîne avec elle, les flèches dans le carquois, dépendamment dans le fond de l'orientation des mouvements, ben l'équipement va bouger d'une façon indépendante du personnage, ça va être vraiment sa propre physique pour l'équipement. Donc si vous sautez, ben vous pouvez faire 40 fois le même saut et la pioche ne bougera pas de la même façon à chaque fois parce que c'est vraiment géré par un moteur de gravité, de mouvement, de synergie et tout le principe. Et aussi, toute cette nouvelle règle-là s'applique aussi au niveau de la saleté. Donc, admettons que Lara Croft glisse dans de la boîte, ben, t'es, elle peut avoir uniquement le dos, exemple de boiteux et le devant correct. Donc, t'es, toute la saleté est gérée indépendamment. Aussi, en même temps, sur la version Xbox, PS3 et PC, quand elle était, mettons, sale, des fois, ça donnait une impression que c'était une texture de saleté qui était collée par-dessus le personnage, tandis que là, quand on est de zoomer dessus, on voit que c'est de la boîte, ça coule, ça on a des parties séchées, donc ils ont comme mis, dans le fond, une partie plus réaliste dans la chose. Et elle donne un cas, exemple, que vous êtes entièrement beurré, comme exemple, spoiler, mais c'est pas si grand, à un moment donné, elle tombe dans une mare de sang, et elle est comme un genre de pit plein de cadavres avec vraiment du sang, donc elle est au complet. Si vous arrivez à un endroit où il y a de l'eau et que vous rentrez juste les pantalons, uniquement les pantalons vont devenir propres. Le haut va rester sale. Et en même temps, si c'est humide et tout ça, ben la saleté va recouler vers le bas. Donc, on parle vraiment d'une physique complètement indépendante pour tout ce qui est au niveau là, de Lara Croft. Je dirais, par contre, ils n'ont pas tant travaillé la physique sur les éléments de décor. Donc, exemple, dans le cas exemple qu'on fait brûler une pile de caisse, mais comme la version Xbox 360, PC, tout ça, elle va comme devenir en tison et ça va tout disparaître comme combustion instantanée. Il n'y aura pas de débris qui va rester sur le sol. Ça n'a pas été changé. Ça, j'ai été un petit peu déçu parce que dans le trailer, il mentionnait justement que la physique du feu avait été retravaillée. Et à part, dans le fond, la réaction de la flamme au niveau des événements, des éléments environnementaux, il n'y a pas eu autre modification que ça. Fait que dans le fond, on voit une version avec un... Dans le fond, c'est le même jeu. Il n'y a pas eu de grand revampage, dans le fond, là, au niveau de comment que la mécanique passe. Mais dans le fond, on parle vraiment d'un moteur physique nouveau. Donc, dans le fond, si vous n'avez pas le jeu, vous l'avez vu sur la version PS3 et tout ça, dites-vous que, dans le fond, vous allez être devant un jeu qui a eu un moteur physique entièrement revampé. Donc ça revient à dire ce qu'on disait au début là, de ta critique, Andrew, c'est que si vous avez déjà le jeu sur d'autres plateformes, ça vaut pas vraiment la peine d'aller vers ça. Non. Si vous avez regretté de ne pas l'avoir acheté, vous êtes en nouvelle génération, parce que la Definitive Edition n'est pas disponible sur PC. Hein. Non, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One. Bon, donc, c'est ça. Donc, allez vous chercher. Si vous avez une nouvelle console, ben à ce moment-là, lancez-vous sur ce titre-là, je vous le dis tout de suite. Mais il faut dire que Square Enix, là, moi, je veux juste rappeler Sleeping Dogs, un jeu un peu GTA-like, mais pas très, très sandbox, là, un peu trop linéaire à mon goût, mais quand même, les graphiques étaient vraiment malades. C'était déjà le départ, je pense, d'un graphisme là vraiment nouveau chez Square Enix, dans les plus beaux que j'ai vus dans les dernières années. Et puis ça joue aussi sur la physique au niveau de l'eau dans la face, justement il mouille, des trucs du genre. C'est que je pense que Square Enix, ça va être un beau modèle à suivre sur ces détails là dans les prochaines années là, au niveau de la nouvelle génération. Donc comme je disais, je ne redonnerai pas une note, on l'a déjà catégorisé plusieurs fois. Je vais conclure ma critique là-dessus en disant, si vous n'avez pas joué à Tomb Raider ou si vous n'avez pas fait l'acquisition de ce jeu et qu'il vous intéresse et que vous avez le choix de plusieurs plateformes, je peux vous comprendre que le premier réflexe que vous allez avoir, c'est « je vais aller me le pogner sur PC ». Mais dans le cas présent, les meilleures plateformes pour jouer le jeu de Tomb Raider, c'est la Xbox One et la PS4. Excellent. Donc, merci beaucoup, Andrew, pour cette critique. J'ai fait un petit clin d'œil à Eric, j'ai mis Xbox One en premier dans ma numération, là, pour lui faire un petit sourire. Là, Excellent. Donc, merci beaucoup, Andrew. Et avant pour le reste de l'émission, de la prochaine demi-heure, on va vous parler de nouvelles ludiques. Mais avant de parler de nouvelles ludiques, bien évidemment, ce sera le temps d'entendre de la musique. Et là, on va aller vers un autre classique, cette fois du rock. On va aller avec les gars d'Aerosmith avec Walk This Way. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, cette tune-là non plus. Donc, on vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9. Allez, Ooh! faut faire quelque chose, mon sang. Mettez plus de chapeau dans la chaudière. Mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Walk This Way de nos, avec nos amis, bienvenuement, là. Darrow Smith, on les connaît personnellement. Personnellement. Et là. Surtout Eric. Ouais, Eric, c'est un. C'est pour ça qu'on boit de même. Non, c'est ça. C'est un bon chum de Steve Tyler. Donc, mesdames et messieurs, après ces niaiseries, nous allons vous parler de nouvelles ludiques, monsieur Castegan. Avec quoi commençons-nous? Ben là, j'avais le goût d'y aller de l'avant avec ma niaiserie tantôt pendant la pause, mais on va laisser faire parce que tu vas me regarder avec des gros yeux. OK, vas-y. Ben, parle d'autre chose de bord. Non. Non, mais. En fait, je vais juste faire la parenthèse, là. C'est juste parce que vous avez remarqué, depuis deux semaines, on a un petit thème, là, pour les nouvelles tristes. Ouais. Et là, j'essaie de trouver une nouvelle pour vous la faire rejouer. Et là, Michael n'est pas d'accord avec aucune de mes nouvelles. Fait que je voulais faire une nouvelle triste à propos du fait que Mike voulait pas que je mette la toune de sa, de nouvelles tristes. Faut que mais ça, bon. faut pas la galvauder, cette chanson-là. Faut l'utiliser vraiment quand on a des vraies nouvelles très tristes. Je vais trouver une autre toune, mais pour des nouvelles moins tristes. T'es niaiseux. Ah ouais, je veux des éphémérides cette année. Non, c'est ça. La semaine passée, on avait les annonces, les petites annonces funéraires. Là, puis là, après ça, on va aller. En 1976, a été inventée la bouilloire à eau chaude. Mais vas-y donc, Andrew, avec ta vraie nouvelle. Oui, mais on parlait tantôt de studios indépendants, de jeux, dans le fond, développés par une seule personne, ou des fois même deux ou trois. T'es des petites équipes qui ont un succès monstre sur Internet, ou encore qui valent la peine d'être découverts. Mais en fait, on va parler de Minecraft, encore une fois. Tout le monde, qui connaît pas Minecraft? Mais Eric sort de ce studio. Non, mais en fait, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui pourra dire que Minecraft a maintenant atteint la barre des 100 millions de joueurs enregistrés. Donc ça, ça implique tout plein, 100 ça. Millions de ventes. Ça fait du bidou. C'est clair. Finalement, ils sont arrivés. Parce que moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Ils sont arrivés à la version 1.0. Quand tu dis que ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, j'ai joué quand c'était encore une bêta. Là. Ouais. Puis, t'es arrivé hein, à la version finale? Oui. OK, c'est bon, merci. Là, j'ai l'air d'un cave, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Vraiment que, là, pas long, j'en avais parlé, je pense, avec toi, que ce serait peut-être fun de s'y remettre. Mais bon. Ouais, surtout que là, on pourrait s'installer un réseau à Machi, puis se faire une petite game en réseau local. Là. Ouais. Par le biais de Machi. On s'en reparlera de ça. Donc, oui, Eric va se l'acheter, là, on va se faire un serveur à trois. Ben, Eric, ça a tellement l'air d'être son jeu, là. Tellement. Mais donc, 100 000 joueurs enregistrés, hey, ça fait, ouais, effectivement, ça fait beaucoup de bidou pour un jeu qui est parti de, ben, de rien, finalement. Là. Mm. C'est tout. c'est un jeu Java qui a été développé à la base par Marcus, pas lui des deux snooze, là, mais Marcus alias Notch. Et à la base, le gars, il était tout seul. Puis finalement, il s'est rendu compte qu'il avait un potentiel. Il a engagé ses chums, puis c'est parti à un studio qui s'appelle Mojang. D'ailleurs, si vous voulez aller sur YouTube, il y a des reportages où le monde, ils vont visiter le studio de Mojang, et c'est vraiment un appart, là. C'est un appart avec un salon, puis ils sont peut-être 6 ou 7 gars qui travaillent là-dessus. Ouais, la preuve que, tu sais, vous avez des bonnes idées de jeu, vous voulez travailler fort, pourquoi pas? Go, allez-y, on sait jamais ce que ça peut donner. Donc, merci beaucoup, M. Castegan, pour cette nouvelle. Autre nouvelle? Ben, en fait, une nouvelle triste. Mais pas assez triste pour cette piano. D'après Michael. En fait, le studio de Sony Santa Monica, le studio derrière les jeux God of War, fait quand même un grand dame, je rends les maudicides. Mais bon, tout ça pour dire un licenciement massif. En fait, juste pour vous mettre en contexte, Santa Monica, c'est quand même un studio qui va bien au niveau de Sony. Puis d'ailleurs, ils ont même déménagé récemment dans des beaux locaux tout neufs, plus grands et mieux équipés. Et voilà qu'ils décident de faire une vague de licenciements, dont quand même certains membres de l'équipe du jeu God of War. Et au début, c'était des rumeurs qui circulaient au niveau là, de sur Internet, sur les sites que, tels que IGN et GameSpot et tout le kit, mais ça a été confirmé au niveau, là, dans le fond, là, de Sony. Et quand ils ont demandé des explications, ben Sony ont évoqué la traditionnelle, ben il y a une restructuration. La fameuse restructuration. Et c'est nécessaire pour mieux servir les nouveaux projets. Donc, Sony, d'ailleurs, a même affirmé que c'était une décision qui n'a pas été prise à la légère. Et qui va avoir, bien sûr, un reclassement et des indemnités proposées aux employés souffrant de cette éviction. Ouais, c'est ça. Parlons-en aux employés, voir si c'est... En tout cas, bref. Ah, les restructurations. Merci, Monsieur Castegan. Est-ce que tu aurais une autre nouvelle pour nous? Oui, une petite nouvelle comme ça. Comme vous savez, la Wii U bat de l'aile un peu. Et qu'il y a du monde qui ont décidé de vendre leur Wii et tout le kit. Puis là, ils ont vu, mettons, le trailer du prochain Mario Kart 8. Et ils font comme, ah mon Dieu, je vais aller m'acheter une Wii U et jouer à ce jeu. Mais, oh non, j'ai vendu mon volant à l'époque de la Wii. Ben, inquiétez-vous pas, Nintendo y a pensé. Ils vont ressortir une bébelle en plastique qui va servir de volant. Sauf par contre, ce coup-ci, il y aura du caoutchouc pour aider à la grippe du fameux volant. Il ne sera pas juste en plastique, mesdames et messieurs. Donc, il sera la modique somme de 45$. Non, il va venir avec le jeu. Et Nintendo tient à spécifier que la manette sera compatible avec les Wiimote. Ben, j'espère, là. Ouais, je sais. Je trouve ça un peu niaiseux. Non, mais c'est quoi le volant? Non, c'est le même principe. Il y a un trou pour la Wiimote. Puis il est écrit Nintendo tient à spécifier que le volant sera compatible avec les Wiimote. Ah, t'essaieras de rentrer ton gamepad de Wii U là-dedans, toi. Je me dis exactement la même chose. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est une place pour un snack. On sait pas. 2-3 chips. Ou une bière. T'sais, on sait jamais, là. Non, mais t'as quand même au moins la moitié du monde qui pense que la Wii U, c'est juste comme une nouvelle manette pour la Wii. Là. Ouais, c'est... En tout cas, on n'élaborera pas trop là-dessus. Non, c'est cela. Voilà. Merci beaucoup. Mais, ouais, c'est vrai que les accessoires de Nintendo, c'est rare hein, qu'ils viennent avec les jeux. Ils font un boost marketing au début pour la sortie du jeu, puis après ça, ah, on va vous le vendre à part. Ben, Mario Kart pour la Wii, non, c'est ça, venait c'est... avec son, ben, en fait, son rack. On ne dira pas un steering, on va appeler ça un rack. Un rack à manette, mais il venait pas tout au début quand tu l'achetais au départ, mais les éditions après, je ne suis pas sûr qu'il venait tout le temps avec. Non. En tout cas, le débat est lancé. De toute façon, c'était le même essentiel. Ouais, c'est le fun, là, mais... C'est comme la petite manette de golf et la raquette de tennis. Là. Non, c'est ça. Non, le volant est plus cool. Tant qu'à jouer de même avec une manette, à l'avoir en forme de volant, ça se prend mieux que juste les deux petits bouts de Wiimote. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vraiment pas essentiel, par exemple. Mais bon, s'ils le donnent avec, puis s'ils vendent pas le jeu plus cher à cause de ça, pourquoi pas? Mais là, il y a du caoutchouc après. En plus, quoi. En plus. Ça vaut la peine. Oui, j'en ai une pas pire ici, moi. Vas-y donc. Et je pourrais pas trop élaborer parce que c'est complètement de la marde, là. Mais quand même, c'est la Xbox One est nommée produit de l'année 2014. Sort d'ici. Par qui? C'est ça, la question, c'est savoir qui c'est qui a dit ça. Adweek Exclusive. OK. Et là, on apprend que, dans le fond, c'est un magazine que Microsoft a la priorité de probablement, là. Puis, tu sais, on est rendu juste en février, peut sortir encore plein de patentes, là. Non, c'est ça. C'est quand même du gros n'importe quoi. Non, c'est bon que ce soit toi qui le dis, ce ne soit pas nous autres. Comme ça, on ne sera pas pris de favoritisme. Non, mais écoute, je suis toujours de bonne foi, moi, là. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. On va passer à une autre nouvelle. Mesdames et messieurs, cette semaine a été annoncée la sortie du Galaxy S5. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de prix qui a été donné, mais écoutez, moi, j'ai un petit comparatif avec le S4 que j'ai, moi. Un écran quand même semblable. On passe de 5 pouces pour le S4 vers un 5.1. Pour le Mon 5. Mon Dieu, 0.1 pouce. Ben oui, un gros 0.1 pouce de plus. Voilà. Pour Android, ça va être avec le 4.4.2. Pour Android, pour le S5, on parle de 16 à 32 gigs. Pour la S5, il n'y aura pas de version 64 gigs, comme pour la S4. Donc, une place pour la carte SD. Un quad-core 2.5 gigs pour le processeur, comparé à... Si on compare avec le quad-core Snapdragon 600 du S4, 2 GB de RAM, encore une fois, connectivité, tout ce qui est Wi-Fi, 4G, LTE, whatever, là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on parlait avec la, si j'avais bien lu avec la S5, d'une caméra de 16 mégapixels. Ouais, exact. Avec, pour celle de devant, 2.1 et une possibilité de filmer en 4K sur un téléphone. Écoutez, vois ça du côté où maintenant les films de cinéma filmés avec un téléphone vont être encore de meilleure qualité. Non, c'est ça, les films piratés que vous allez pouvoir trouver en torrent vont être encore plus beaux. Mais en tout cas, je vois pas trop l'utilité à part prendre vraiment beaucoup de place sur votre téléphone. Parce que surtout que la technologie 4K au niveau de la TV, il y a personne qui a ça présentement. Là. Ben moi, je me dis que maintenant, les vidéos de chats sur YouTube auront atteint un niveau... Seigneur. Ah ouais, c'est ça, on va le voir, le poil. Sinon, rapidement comme ça, il va avoir dans les nouveautés, il va être résistant à l'eau. Ça, c'est un feature qui est arrivé avec les Sony. Avec Sony puis sa série Xperia. Donc, d'ailleurs, le nouveau va. Ah non, c'est ça, le 4K, excuse-moi, c'est avec le nouveau Xperia de Sony. C'est pas la Samsung S5, désolé. En plus, tu donnes des informations erronées. Michael. Pas erroné, je me suis fourré, c'est pas mon affaire. C'est donc, erroné. Non, c'est ça, le 4K, ça va être avec le dernier Xperia de Sony. Mais une très bonne caméra quand même au niveau du Samsung S5. Une batterie un peu plus grosse et un chargeur USB 3 pour le S5. Donc, enfin, du USB 3 pour un téléphone. J'espère que ça va apparaître parce que des fois, le transfert de données, là, même avec un USB 2, là, même les plus petites données, des fois, ça peut être chiant. Là. Tout dépendant comment... En tout cas, j'ai plus de misère avec mon S4 qu'avec mon Xperia Play dans le temps pour transférer mes trucs. C'est un peu plus rapide, mais pour y avoir accès, des fois, faire des listes de musique, là, c'est pas aussi facile qu'avec mon ancien téléphone. Pour le prix, malheureusement, pas disponible pour le moment. Et j'essaie de trouver la date rapidement, s'ils l'ont sûrement dit, là, mais... Sur la page où je suis, j'ai pas l'info. Je vais essayer de vous trouver ça pendant la prochaine chanson. C'est de vous trouver ça. Sinon, autre nouvelle, M. Castigan? Oui, on a déjà parlé du jeu indépendant DayZ. Oui. Et en fait, t'es comme on vous a déjà mentionné, disponible déjà à l'achat sur Steam, mais en version alpha, pas bêta, alpha. Ben, on a appris hier... Avant hier que le créateur du jeu DayZ quitte le studio qui développe le jeu. Donc ceci faisant des délais au niveau de la livraison du produit. Donc au début il y avait une bêta qui était prévue pour 2013. Donc ça a été retardé à la fin 2014. Et la version stable, définitive de DayZ ne devrait donc pas débarquer sur nos PC avant 2015. Ouch. Donc le momentum, il va être passé pas mal. Donc, armez-vous de patience. Merci beaucoup, Monsieur Castigan, pardon. Et avant de passer à d'autres nouvelles ludiques, nous retournerons en musique, cette fois-ci avec le groupe Bardic et la chanson The Man in the Iron Mask, quelque chose de plus tranquille. Mais quand même une bonne chanson que... Un truc que j'ai découvert au Cégep. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. J'ai pas la toune. Bon, la toune n'apparaît pas sur l'ordinateur. Ça va bien. Mais écoute, parle-nous d'une autre nouvelle, M. Castigan, en attendant. Ben, en attendant, je peux mettre une autre toune, t'sais. Je vais parler de nouvelles d'abord. Donc, tout ça pour dire que Dynasty Warrior Gundam Reborn a été annoncé, jeu qui est sorti au Japon à la fin 2013, devrait sortir en Europe et en Amérique au niveau de la PlayStation 3 au courant de l'été 2014. Donc, on parle ici d'un nouvel engin graphique au niveau du jeu. Donc, si vous êtes un fan de Dynasty Warrior comme moi et que ça vous tente de jouer avec un jeu de robot géant à la Gundam... C'est plate, je pourrais pas jouer avec toi ce fois-là. Pourquoi? C'est sur PS... T'as-tu dit sur PS3? PS3, ah ben là... PS3. J'avais compris PS4. Et en même temps, ce jeu va implémenter des nouvelles mécaniques qui ont été... Attendez un petit peu. Implémenter? Intégrer. Ok, c'est bon. insérer ici des guillemets, nouvelles fonctionnalités qui ont été mises dans les derniers Dynasty Warriors de la PlayStation 3. Donc, jeu à surveiller au courant de l'été 2014. Évidemment, pour les amateurs de la série, moi, c'est pas mauvais, c'est un bon beat'em all, mais avec des gros robots. C'est sûr et certain que. Ça fait un job. Et en plus, pour les amateurs de la série Gundam, ça fait un beau petit clin d'œil, à la série. C'est un bon mix. Oh oui, ben oui, tout à fait. C'est un bon flash d'avoir fait ça. Tu vois ici, sur le site de Bell, pour ne pas les nommer, on nous parle de la disponibilité du S5 en avril. Ah, c'est aussi rapproché que ça. Donc, ben écoutez, là, moi, en faire le comparatif avec le S4, mettons que vous avez le S4 présentement, ça vaut pas la peine d'upgrader. Je vous dis ça tout de suite. Avoir les différences sont vraiment pas si j'allais dire différente, là, ça aurait été un peu redondant de dire ça, mais ça vaut vraiment pas la peine d'upgrader pour le S5 si vous avez le S4 présentement. Pour le S3, si vous êtes rendu à un rehaussement, pourquoi pas. Puis et moi, si vous avez un Apple, bien évidemment, changez de téléphone. Et moi, j'aurais une dernière nouvelle avant qu'on en tourne en musique. Ben vas-y, Show. Vas-y. La division Xbox change de direction. Ah ouais? En fait, ça bouge énormément chez Microsoft. Il y a eu un changement de CEO dernièrement au niveau là, de la compagnie. Et là, on parle de Julie Larson-Green, qui était en place depuis seulement 7 mois au niveau de la division Device and Studios, eux qui sont en charge de la Xbox et tout ce qui est produit matériel, donc la Surface et tout. Et il faut savoir que Microsoft, cette division-là, souffre énormément avec la Surface qui ne vend pas si bien que ça. Malheureusement, parce que quand même... On ne peut pas dire pas pantoute. Ouais, pourtant, c'est un produit qui marche quand même très c'est bien. Une belle machine, le Pro. Ça marche bien. Et dans le fond, on a Julie Larson-Green avait pris la place, dans le fond, suite au départ de Don Matrick, que lui, cette personne-là, est parti vers la compagnie Zynga. Julie Larson-Green cède sa place à Stephen Hillop pour prendre ainsi la direction de d'autres secteurs de Microsoft. Mais chose, faut pas sonner à la panique, mais il semblerait que M. Stephen Hillop aurait des plans de vendre la division Xbox. Ah ouais? Oui, mesdames et messieurs. De vendre, genre, ça serait plus à Microsoft? Genre. OK, j'avoue que c'est une assez grosse nouvelle, ça. Puis, en tout cas, si ça se fait, c'est... En tout cas, Parce que M. Hillop ne juge pas cette division-là comme étant capitale à la stratégie de Microsoft. Donc, okay. Faites vos conclusions, mais moi, personnellement, ça m'inquiète un peu que le nouveau CEO du département qui développe la Xbox veut vendre la Xbox. Non, en fait, personnellement, je trouve qu'il s'en fout. Oh non, ben... T'sais, il trouve pas que c'est quelque chose de capital pour Microsoft. Puis lui, il a décidé là, que... Non, moi, ça me dérange pas. Je trouve pas ça capital pour Microsoft. Je serais même prêt à vendre la division. Puis en plus, des messages comme ça peut être dangereux au niveau des marchés financiers puis aussi des consommateurs, oui. Là. Tu sais, la panique, tu sais, le monde est niaiseux, là. Pas de plate, là, excusez-nous, là, mais tu sais, t'achètes une console, il y a bien du monde, ah, ça va être vendu, ça va-tu continuer à être supporté, ou... Tu sais, le monde panique pour rien, souvent, là. Ça fait que ça peut amener de la... Est-ce que vous voulez que je vous dise une autre affaire c'est qui peut faire J'essaie d'avoir s'il y a un lien entre ça puis la baisse de prix annoncée au Royaume-Uni. Mais en même temps, est-ce que vous voulez avoir un petit peu plus peur? Est-ce que vous voulez savoir c'était quoi le poste que Stéphane est là occupé avant d'avoir ce poste-là. Pas le développement de Windows 8? Non, c'était l'ancien PDG de Nokia. Ouch. Et regardez Nokia, où est-ce qu'ils sont actuellement. Ils appartiennent à... Oui, puis ça va vraiment pas bien. Ça va pas bien. Ouais. Écoutez, Microsoft, on vous rappelle que Puissance Maximale est prêt à vous offrir des services de consultation. Si vous avez des problèmes... C'est assez triste pour ça de piano, là, non? Non, ben moi, moi, une grosse compagnie qui est pas capable de s'aligner comme du monde, puis qui... On a eu la preuve au E3, là, qui se sont alignés après tout le monde, après que Sony... Ouais, ça, c'était... C'était leur gros fail de l'année passée. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que je peux donner quelque chose à Microsoft avec leur explication, mais c'est comme ça a été vraiment très mauvais comme choix de la façon de l'annoncer. Si c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent, là, qu'ils voulaient faire une plateforme virtuelle comme Steam... Et que c'est pas ça qu'ils ont mis de l'avant, mais plutôt, oh, on va contrôler vos licences de produits. C'est comme, hey, le PR, quelque part, là, ça te dit rien, là. Peu importe leur raison, la finalité reste que c'était pas bon pour les consommateurs, puis ils se sont fait dire. Donc, en tout cas, on va voir si 2014 sera une meilleure année pour Microsoft. Ça a l'air mal parti. Parce que, présentement, Sony, avec le lancement. Je rappelle que c'est le produit de l'année. Ah oui, c'est ça. Mais en même temps, Sony, ont fait leur lancement de la PS4 au Japon et. Ils ont fait ça le 22 février. Là. Ouais, c'est tranquille, je pense, pour les ventes. Non, c'est un très bon début. Ils sont en train de faire des ventes. Record? Ah, ben tant mieux. J'avais vu un chiffre tantôt, là, mais là, je ne l'ai pas apporté de la main. Là, mais c'était. Ils sont en train de. Ouais, c'est ça ici. Je l'ai ici. PS4. Non, ça, c'est les ventes. Mais bref, les jeux se vendent énormément. Mais en même temps, c'est PlayStation au Japon, là. Oui, mais tandis que Microsoft, avec la Xbox One, ça avait pas percé, mais ça, c'est toujours ça, la c'est même normal, histoire. C'est normal. Ouais. Les Japonais... Au Japon, mal branding PlayStation, c'est de la merde, ça va se vendre. Mmh. Ouais, ben, c'est la marque maison, hein, on va dire ça comme ça. C'est à nous, on l'achète. En plein, ça. On parle de 322 083 exemplaires de la PS4 qui sont écoulés pendant le premier week-end de lancement. Good. Hey, félicitations, M. Sony. Et M. Castegan, une dernière nouvelle avant la fin de l'émission, parce que c'est déjà la fin. Et là, une nouvelle... Excuse-moi, je vais juste rectifier un chiffre sur quelque chose. La Xbox... non, excusez-moi, c'est pas le bon chiffre. J'ai rien dit. Bon. Non, j'avais lu PS4, mais c'était écrit PS3. J'ai rien dit. Lis tes affaires comme du monde, là, avant de m'interrompre. Là. Excusez-moi. Et là, en fait, c'est toi, tu vas nous parler de la dernière nouvelle. C'est toi qui me l'as amené cette semaine. Écoute, on avait parlé d'un possible nouveau jeu. Ouais, d'ailleurs, faut que je retourne sur le site. Ouais, va donc voir ça. Un possible nouveau jeu de Duke Nukem qui s'en venait, selon nos théories à nous, là, c'est peut-être une version revampée du classique Duke Nukem 3D, revampée une nouvelle génération. Mais là, sur le site où il y avait le décompte, ben là, on a comme un écran, tu sais, de comme dans les films de canal d'urgence à TV, puis on entend du monde crier, puis marcher, puis là, je me demande, c'est quoi ça? La compagnie qui a décidé... Interceptor. Et 3D Realms. Et 3D Realms qui ont des. 3D Realms qui a commencé. J'ai fait plus de recherches là-dessus. Je vais te laisser continuer puis je vais élaborer sur la chose. Donc, ces deux compagnies-là qui ont voulu. En tout cas, qui avaient comme préparé un hype là, pour annoncer quelque chose, ils sont en train de se faire poursuivre par Gearbox. Oui, exactement. En fait, on va dire les choses concrètement. Interceptor et 3D Realms travaillaient sur un remake de Duke Nukem 3D avec les derniers Unreal Engine. Donc, dans le fond, c'est vraiment un revampage de l'engine graphique au complet, mais somme toute le même jeu. Par exemple, c'est pour jouer sur la fibre nostalgique et tout. Parce chose à savoir, Gearbox sont les propriétaires de la c'est leur propriété intellectuelle, dans le fond, Duke Nukem, depuis qu'ils ont fait l'achat à 3D Realms suite au gouffre financier que Duke Nukem Forever avait créé à 3D Realms. Cependant, lors de l'achat au niveau de la licence, 3D Realms a gardé la propriété intellectuelle de Duke Nukem 1, 2 et 3D. Donc, dans le fond, ces trois jeux-là ne sont pas la propriété de Gearbox. Donc, 3D Realms avec Interceptor, qui est un petit studio indépendant, qui avait d'ailleurs fait un remake HD de Trials of the Triad, qu'on avait déjà parlé, ben, ils se sont parlé, ils ont dit, crime, on a les propriétés intellectuelles de Duke Nukem 3D, mais on pourrait, dans le fond, le refaire avec un nouvel engine, puis ça va permettre de renflouer des coffres, parce qu'il faut savoir que 3D Realms, malgré qu'ils sont dans un gouffre financier incroyable, que le trois quarts du monde qui travaille dans ce studio-là ont été licenciés, le studio n'est pas mort. Il est encore là, il fait pas grand-chose, mais il est encore là. Donc, ils ont décidé de faire, dans le fond, ce mouvement-là. Ce qui arrive, et c'est sur quoi Gearbox fait, dans le fond, cette poursuite-là, ils refont le remake HD. Par contre, qu'est-ce que Gearbox appuie leur argumentaire là-dessus? Ils disent, qu'est-ce qui fait en sorte que 3D Realm ne serait pas une modification, dans le fond, de son jeu de Duke Nukem 3D? Et rajouterait des éléments de plus qui n'étaient pas là à l'origine, qu'est-ce qui ferait en sorte que ça serait un nouveau jeu? Donc, dans le fond, qu'est-ce que Gearbox dit à 3D Realms, c'est si vous faites un remake 3D, puis que c'est pas identique en tout point au Duke Nukem 3D d'antan, ce n'est pas votre propriété intellectuelle, c'est la nôtre. Et vous êtes en violation parce que c'est un nouveau produit que vous sortez sur le plancher. Donc là, c'est ça la bataille légale qui est en train de se faire, parce que là, 3D Realms dit « Ouais, mais c'est Duke Nukem 3D, c'est fondamentalement notre jeu, si on décide de sortir un nouveau DLC pour notre jeu, c'est à nous autres. » Mais c'est pas ça que Gearbox entend, ils disent « Non, non, c'est Duke Nukem 3D dans l'état actuel. Si tu ressors quelque chose de nouveau avec, ça ne peut qu'être que des compilations, des choses comme ça, ça ne peut pas être du nouveau contenu. » Donc c'est ça que Gearbox joue beaucoup là-dessus. Donc, c'est d'où pourquoi que si vous allez sur le site www.alloutofgum.com, présentement, vous avez une espèce d'écran EBS Emergency Broadcast. Interceptor ont mis ça sur leur site à partir du moment où ils ont su l'avis légal et comme de quoi qu'ils se faisaient poursuivre. Et d'ailleurs, si vous faites une recherche, je t'avais envoyé un lien d'ailleurs, Michael, c'est le vrai avis que Interceptor ont reçu. C'est pas un fake. Oh, oui. Interceptor s'en sont aucunement cachés. Ils ont rendu ça complètement public. Ils ont tweeté ça pour que le monde le sache. Et ça, on va voir le tweet avec les tags Duke Nukem, Gearbox. Énormément de personnes sont fâchées, justement, de la situation parce qu'ils disent que Gearbox ont offert un produit de merde et que 3D Realms et Interceptor allaient offrir de quoi pour ramener le Duke d'antan. Donc, beaucoup de frustration au niveau des joueurs. Certains diront Gearbox, avant de chialer, faites-nous un produit qui a de l'allure. Genre. Voilà. Ben écoute, on aurait tendance à leur donner raison, mais bon, C'est toujours délicat, les questions de droits d'auteur. On va espérer qu'ils vont réussir à s'entendre et qu'on puisse avoir un bon remake de Duke Nukem 3D. On va se le souhaiter à tous, nous, fans de la série et geeks, qui n'ont jamais connu le vrai Duke Nukem d'antan. Merci beaucoup, Andrew, pour cette nouvelle. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Toujours content d'être là. Mon nom est Michel Michaud, votre animateur. Content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Cette semaine, j'étais en compagnie de plein de monde. Entre autres, M. Éric Lajeunesse qui était là avec nous pour sa chronique bière et jeux. Merci beaucoup, Éric. C'est tout. Tu dis pas merci. Merci de m'avoir accueilli, les gars, encore. J'ai été comme surpris par la musique en même temps. Il n'y a pas de problème. Ouais, on vous rappelle... Moi, je l'entends comme faux, Eric, mais pas toi. Puis on vous rappelle que la chronique bière et jeux est présentée par nos amis du dépanneur Tout Prêt à Lévis au 97 rue Wolfe. Donc, on vous invite à vous y rendre pour aller chercher vos produits de microbrasserie préférés ainsi que les accessoires qui vont avec. On remercie M. Andrew Castellan qui est allé à la console. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là. Un plaisir, comme à chaque semaine. Et on salue les deux snows qui sont passés nous voir pour jaser cidre un peu avec nous. Et boire de l'alcool. Et voilà. Maintenant, et... je peux y retourner la semaine prochaine. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres, rendez-vous sur Facebook également pour aller appuyer sur le bouton « J'aime » sur la page Facebook de Puissance Maximale parce qu'on vous aime et ainsi propager la bonne nouvelle geek. Et en terminant, je vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day we One, two, three, four! Yeah! CJMD 96.9.